Vous êtes assez fous pour l'écouter. 89.1. Le plan d'aujourd'hui, assemblage requis. Sébastien F. Gartin nous expliquera l'actualité dans sa chronique du bulletin Gartin. Et Gabriel Béhoud nous présentera ses nouveaux amis improvisateurs en allant dans les coulisses de la lutte. Assemblage requis commence tout de suite. Assemblage requis pour toi, aujourd'hui. Assemblage requis pour toi, aujourd'hui. Bonjour et bienvenue à Assemblage Requis en ce mercredi 28 septembre 2016. On est à 211 jours de la fin de l'année scolaire 2016-2017 et je m'appelle Mathieu Plante. Et moi, Tania Bourdin. Salut Tania, ça va bien? Ça va très bien, toi? Oui, on a inversé nos rôles aujourd'hui, je pense. Ouais, je sais. L'année passée, l'autre année d'avant. J'arrivais tout le temps en retard à l'émission. Ouais. Genre à 31. Ouais. J'arrive tout le temps, et pas mal exactement à l'heure, mais ça fait que l'émission commence en retard, bref. Tellement que je pense que sûrement que Sébastien F. Gartin arrive en retard aujourd'hui parce que d'habitude, j'arrivais passé 7h30. Exactement. Hein? Mais aujourd'hui, il est en train d'arriver à l'heure où je serais arrivé habituellement. Et là, cette année, on dirait que... Cette semaine, mettons. J'arrive à l'avance et tu arrives juste. C'est vrai. Mais j'arrive quand même à l'avance, mais selon toi, c'est j'arrive juste parce que l'année passée, c'est toi qui arrivais après moi. Voilà. T'as raison, je te donne le point. Merci. Donc, à l'émission d'aujourd'hui, on va avoir quand même pas mal de choses. Le beat commence à rentrer. Là. Ouais. On se croirait à Rhythm FM tellement c'est rythmé. Oh, donc, on Dieu. A Gabriel Béhoud qui va être là à 8h30 pour sa chronique dans les coulisses de la huître. Écrire, OK, le langage des signes de Tania. Ouais, je sais, j'ai ça, pas de crayon. C'est un signe de surf. Non. Qui c'est... vire alors, comme un téléphone à l'envers. Ça veut dire que tu parles dans le cornet. Ouais, c'est ça. Puis t'écoutes par le non, micro. Je regardais l'horaire de l'émission. Faut inverser les heures. Faut inverser la tienne ou la mienne. Parce que t'es pas prête. OK, parfait, cool, oui, c'est bon. Donc, 8h30. Ben, pas parce que je suis pas prête, mais je t'expliquerai plus tard. D'accord. Donc, 8h30, Gabriel Béhoud dans les coulisses de la huître. Le symbole voulant dire que Tania va être à la fin de l'émission. D'accord. Avec Tania Esgonette et Tania. Je vais faire des gadgets entre les deux chroniques. Et pour commencer l'émission, on va voir Sébastien F. Gartin qui, est-ce qu'il a compris le symbole de Tania? T'as-tu compris, Seb? Absolument pas. Mais je voudrais dire que je me sens moins mal d'être arrivé flush. Ouais, c'est ça. C'est parce que lui, il est en train de se préparer. C'est pour ça qu'il a pas compris mon style. C'est normal. J'ai envie de faire l'autopromo sur Facebook. Oui, c'est ben absolument. Hashtag Butin Gartin. Hashtag, ouais, c'est ça. Donc, ça s'en vient dans pas mal bientôt. Et on prend une petite pièce musicale avant ça. Ça te tente pas pour essayer de s'asseoir, de se calmer les nerfs un peu? Comme vous, ça va. Donc, on va écouter une nouvelle pièce de Toon. C'est super court, c'est super bon. C'est un groupe canadien. On aime beaucoup ça. On l'a découvert pour la première fois. Enfin, on l'a découvert, en général, hier. Ouais. C'est assez fou. Toon, avec Mind Over Matter. Dans 2 minutes 39, ce sera Butin Gartin. Avec Sébastien Gartin. Thank you. Mind over matter bah. Sur les ondes de C'est fou 89 FM. Bah, tant bon, ouais, que c'est bon. Eh, yeah. Tunes. Toujours assemblage requis. Maintenant, ben, Colin, on le retrouve après 6 mois d'absence. Oui, on a compté sur nos doigts, jointures et tout ça pour trouver la date. C'est ce qu'on faisait au lieu d'écouter la toune, en fait. Ben c'est oui, ça. C'est ça. Donc, on a découvert que depuis la fin du mois de mars, on a arrêté l'émission le 25 mars dans ces coins-là. Et là, on est le 28 septembre en direct. Donc, exactement 6 mois, genre. Bref, c'est Sébastien Gertin. Voici son bulletin. Gertin. Bonjour Sébastien. Bonjour pour de vrai. Oui. Comment ça heureux, va? Oui, ça va super bien. On est très heureux de te revoir parmi nous. Toujours content. Ben oui. C'est le fun. On parle d'actualité avec toi. Raconte-nous un petit peu en long et en large, en résumé et en long. Ben, on va résumer 6 mois en 25 minutes. OK. Non, c'est pas vrai. Aucune... Ça part là, là. Ça part là. Top chrono. Top chrono. OK. Mais ta chronique, c'est quoi, maintenant? Ma chronique, ben, habituellement, ce que je fais, c'est que, ben, premièrement, moi, ma chronique se divise en 2 catégories. Il y a les chroniques que je vais avoir eu le temps de préparer, ben, que je vais avoir pris le temps de préparer. Avec des chiffres, des sources et des... Puis, il y a les chroniques que j'appelle les chroniques avec pas de casque. Pour ne pas citer le groupe québécois, mais en fait, c'est les chroniques que je vais appeler. Ouais, c'est ça. Mathieu, je prépare le sujet pour après, ouais, c'est ça. Mais c'est ça, ça, c'est les chroniques que je vais faire un peu plus spontanément, mettons. Comme ce matin, mettons. Comme ce matin, ça va être 6 mois. T'as eu 6 mois pour la préparer. Ce matin, ça va être... Oui, parce que dans les derniers 6 mois, tout ce que j'ai fait, c'est me préparer à ma première chronique de la saison 2016 de l'Assemblage requis. Si Radio-Canada, ils ont 45 recherchistes puis qui travaillent à temps plein, toi... Pour 2 heures de radio par semaine. Ça, ouais. Là, oui, c'est ça, surtout. 4 heures, comme la soirée est encore jeune. Ouais. Donc... mais non, c'est ça. À matin, en fait, ça va être une hybride. Ça va être une entre les deux parce que c'est une que j'ai plus ou moins préparée, mais en même temps, je vais toucher à mon sujet de maîtrise. Fait que je sais de quoi je parle. Ouais, ouais. Vu que c'est mon sujet de maîtrise, ceux qui me suivent depuis un petit bout de temps vont savoir que je ne plug pas de chiffres dans mon sujet de maîtrise parce que je suis en philosophie. Puis nous autres, les chiffres, on n'aime pas ça. Non. Sauf les bizarres en logique, mais ça, c'est... Non, on n'a pas eu ça de voir là. Tu veux pas être associé à ça? On veut pas être associé à ça. Non, on les aime pareil. C'est juste que c'est des bibittes spéciales. Donc, trêve de bavardage sur ma vie et autre chose. Le bâchage de d'autres gens dans ta vie. Ouais, c'est ça. Le bâchage, ça va peut-être pas changer tellement. Mais dans le fond, une des choses desquelles je voulais parler, c'est que, ben, une chose, de, justement, dans les 6 derniers mois qui ont accaparé beaucoup l'actualité, ben, beaucoup, en tout cas, un peu, là, du moins, c'est la fameuse course à la chefferie du PQ. Ben oui! Qu'on pourrait, comme d'habitude, appeler le drame familial du PQ ou le party de Noël prolongé du PQ, okay, wow, en tout cas. Bref, c'est ça. Il y a de la chicane. Puis là, ben, c'est ça. Ça a pris du temps à lever, mais là, dans les dernières semaines, ça a levé pour de vrai. Et les couteaux commencent à voler très bas. Puis moi, une des choses, puis là, je veux pas embarquer dans les chicanes d'un tel a dit ci, un tel a dit ça, puis tout. Puis là encore, ceux qui me suivent un peu, puis qui suivent mon émission que je fais avec Hugo Hubert, La sortie de secours à votre gauche, je vais recommencer lundi prochain. Hashtag autopromo pour la première fois aujourd'hui. Lundi 11h maintenant. Lundi 11h ouais. Maintenant. Ouais, on est à des heures de radio parler à cette heure. C'était on était le soir, tu sais. Ouais. Mais ouais. Les soirs, pas de baseball en plus. C'est ça. C'est arrivé quoi, 5 fois dans l'été? On a exactement 6 émissions, je pense, dans l'été. Si je m'appelle, 5 ou 6. Effectivement, on avait à peu près aux 2 semaines, ouais. Mais c'était pas. On avait des 2 semaines collées, des 2 semaines. On était des fois 2 semaines, 3 semaines qu'on en avait pas même. Ouais. On n'a pas eu du mois d'août parce que ça tombait tout le temps la journée qu'on avait spoté. Fait que, ouais. Bref. Mais ouais, c'est ça. Bon, moi, un de mes chouchous, une des personnes que j'aime détester dans la vie, c'est Jean-François Lisée, en ouais. Fait. Que j'ai un paquet de problèmes avec cette personne. C'est pas juste une antipathie personnelle. S'il y a de quoi, c'est un peu. Il se veut un peu l'intellectuel de gauche de la gang, même si moi je trouve qu'il est juste en apparence. D'ailleurs, c'est un peu ça qui va m'achaler avec lui. C'est qu'il est bien bon pour se donner l'apparence du gars progressiste et. Mais en gros, tout ce qu'il veut, ça a été lui. Fait qu'il, lui-même se compare très souvent à Bernie, au Bernie Sanders québécois. Lui-même? Il va dire qu'il est un peu le Bernie Sanders québécois. Ah, il a une bonne estime de lui-même. Ouais, c'est ça. Moi, j'ai un peu de misère avec ça. Des fois, je trouve qu'il sonne un peu plus comme Trump. Ah, on va ça. Se rappeler de la rare. Rarement un compliment, ça. Il y a une fois qu'il est allé dire. Puis il est vraiment pas aussi pire. Là. Je veux juste être clair. Là. Il est très loin d'être aussi pire que Trump. Là. Je veux dire, à base, il se prépare quand il va dans des débats. Là. Ah, c'est déjà un bon début. Pour ceux qui ont suivi le débat, moi, je l'ai même pas écouté en plus le débat américain. J'ai la moitié d'écouter à date. Là. Je me suis pas endormi trop de bonheur hier. C'est bon. Mais donc, puis là, justement, je veux pas. Je pense entre autres à la fois qu'il a fait des sous-entendus comme quoi est-ce qu'Alexandre Cloutier serait chumé avec Adil Sharkaoui, ce qui est complètement faux. Mais il a sous-entendu des trucs, puis là, il a dit qu'on avait mal interprété ce qu'il avait dit. Évidemment. Puis là, c'est là que je trouve. C'est des fois comme ça que je trouve qu'il sonne un peu comme Trump. Mais il y en a une qu'on l'a fait sonner comme Trump et qui était pas tellement de sa faute. C'est quand il a dit qu'il fallait qu'on accueille juste des bons immigrants, puis des immigrants qui. Catholiques. Tu sais, des immigrants. Catholiques francophones qui viennent de France, là, parce que les autres, c'est pas des bons immigrants. Il y avait une affaire de Bordeaux, Barcelone, puis en tout cas. Puis là, on lui a fait dire: mais oui, mais c'est complètement raciste ce que vous dites, monsieur Lisée. Puis là, si je me rappelle bien, c'était La Presse qui avait publié un texte là-dessus. Puis là, Lisée a lui-même publié le verbatim de la fameuse entrevue. Puis là, on voit très bien qu'est-ce qu'il dit, c'est qu'il dit: ça, c'est l'immigration qu'on va appeler idéale. Mais parce que effectivement, il va être plus facile à intégrer. Puis ça, je suis le premier à le dire. Tu sais, un des bons exemples, on a beaucoup d'étudiants français qui viennent étudier à l'UQTR dans un paquet d'universités québécoises. Parce qu'avant, on leur faisait des tarifs préférentiels, ils payaient la même chose que les étudiants québécois en frais de scolarité. À ce temps, on les a remontés à ce que les étudiants canadiens payent pour venir ici, ce qui est beaucoup plus élevé en fait que nous autres. C'est ça. Puis moi, d'ailleurs, dans le temps, quand cette augmentation-là était faite, c'était pour seulement les universités du Québec. J'ai été premier à dire: ben oui, mais c'est parce que ça nous fait des immigrants faciles à intégrer, que ça nous coûte pas cher à intégrer. Puis, ben, regarde, si est-ce on qu'il y en a les encourage à rester avec les études. Ben, ça, c'est le bout de podcast, c'est que ça, je me suis pas informé là-dessus. Okay. Je vais probablement revenir là-dessus. Ouais. Ben, c'est sûr qu'on les spot, là. Ben, on les spot, puis tu sais, ils viennent tous travailler aux ondes campus. C'est juste des Français aux ondes campus. Aussi. On salue nos journalistes. On salue nos journalistes. On vous aime. Caroline Baudet, Marie Labrousse. C'est ça. Mais c'est ça. Puis je suis très d'accord avec le fait de dire qu'effectivement, c'est une tautologie de dire qu'ils sont plus faciles à intégrer que quelqu'un qui arrive du Maghreb. Du Maghreb, là encore, c'est ses limites. Puis c'est l'une des choses que je veux dire, c'est que c'est pas parce qu'ils viennent du Maghreb qu'ils peuvent pas être faciles à intégrer. Il y a pas une ligne qui sépare les faciles à intégrer et les difficiles à intégrer. Il y a des fois que oui, il faut prendre la peine. Chaque cas, oui, il faut prendre la peine. Excuse-moi. Ça va pas. Lui, on est mis de pont en panne parce qu'on va se faire accuser de plein de choses après. D'ailleurs, prenons-nous des assurances parce que j'arrive d'un sujet que des fois on se fait poursuivre. Message d'avertissement. Mais où je voulais en venir, c'est qu'en même temps, bon, lui ce qu'il disait, c'est qu'il dit: oui, on peut intégrer, mais faut quand même choisir nos immigrants et tout ça. Puis effectivement, au Québec, on a un système de points pour choisir qui on accepte, qui on n'accepte pas. Pareil comme les Paralympiques. Ils ont des points par rapport à leur handicap. OK. Ah, bon. Pour jouer à des sports. J'étais pas au courant. Ouais. Moi, tout ce qui est olympique en général, je fais pas tellement ça. Désolé, Tania. Je sais que c'est un peu plus ton dada. J'ai rien dit. D'accord. Mais non, c'est ça. Les Olympiques cette année, je les ai aucunement suivis. Je suis pas tellement sportif de salon dans la vie. Mais sauf la politique, tu pourrais dire. C'est un sport extrême des fois. Mais c'est ça. Ça naît assez, justement, ça comble le besoin d'extrémité. Où ce que je voulais en venir avec cette histoire-là, c'est que là, comme tout le temps, je digresse puis je perds un peu mon fil de pensée. On a parlé des migrants, le système de points, c'est ça. C'est que nous, de la façon qu'on fonctionne au Québec et au Canada aussi, d'ailleurs, c'est ce qu'au Québec, on a modifié un peu le pointage, c'est que, dans le fond, on a une espèce de dossier que les demandeurs d'immigration remplissent avant de venir au Canada. Et dans le fond, on leur pose un paquet de questions sur un paquet de sujets, sur leurs études, sur leurs ressources financières, sur leur capacité à s'exprimer dans les langues officielles. Bon, au Canada, on met le même nombre de points pour le fait de parler français ou anglais, ou les deux. Nous autres, au Québec, ce qui est la grosse nuance, c'est que, dans le fond, le fait de parler français va valoir un montant très important de points dans le dossier, dans le fond. Donc, c'est sûr qu'on privilégie les immigrants qui connaissent déjà un peu le français ou qui sont motivés à l'apprendre. Là, un des défauts qu'on a présentement, c'est qu'on privilégie quand même ceux qui le connaissent très, très, très superficiellement, là, là, du français de vacances, mm-hmm. on va dire. Ils connaissent Céline Dion, je sais pas quoi. Ouais, mettons. Là. Ben, en fait, en dehors du Québec et de la France, les gens qui connaissent Céline Dion connaissent juste ses chansons en anglaise. Là. Ouais, c'est ça. Il y a beaucoup de monde qui pense qu'en fait, Céline Dion, c'est une Canadienne anglaise. Oui, ouais, ouais. Ils savent pas que la moitié de ses albums sont en français. Mais comme quoi, il y a tout cet éventail de CD qui sont Incognito en français. Incognito vient dans ma peau, voyons. Mais oui. Ben oui, ici, c'est ça qui l'a fait connaître, mais ailleurs que Québec et France, il y a personne qui connaît ces chansons-là, ce qui est un peu drôle. Aux États-Unis, ils pensent qu'elle est américaine, Céline Dion. Ben oui, on l'a. C'est vrai. Ils sont persuadés, ça leur dit, ben non, elle est canadienne. C'est ben non. OK, elle vient de Vancouver. Non, non, elle est québécoise, elle est francophone à la base, elle vient de Terrebonne. Écoute, non, il n'y a pas de Terrebonne, elle vient. Comment t'as dit? Elle vient de Charlemagne. Charlemagne, c'est ça. Ouais. Ouais, j'ai écouté le spécial la soirée est encore jeune sur Céline Dion dernièrement, c'est pour ça que j'ai ça dans la tête. Mais j'étais en retard un peu sur mes la soirée est encore jeune. Oh, bref, regarde, parenthèse. Très bonne émission à Radio-Canada, on va les plugger un peu. Tes modèles. Ils en ont besoin, tu sais. Pour ton émission de radio. Ouais, c'est ça, on s'inspire pas d'eux autres pantoufles. Donc, c'est ça. Où ce que je voulais en venir, c'est ça. Bon, on parlait de l'immigration. Hey, c'est vraiment pas facile à matin, je suis désolé. Non, mais c'est correct. Écoute, c'est dur. On se remet dedans. On se remet dedans, ouais. Et c'est difficile quand t'es chronométré et que tu sais que tu dois partir pour 8 ouais, ans. Ouais, c'est ça. Mm-hmm. Donc, oh oui, je viens de voir l'heure. Ouais. Oui, on va arriver. Excuse, tableau du serveur. Ça arrivera pas. Donc, c'est ça. L'immigration, bon, OK, on choisit qui on accepte, c'est certain. Est-ce qu'on pourrait en accepter plus? Est-ce qu'on pourrait faire une liste moins restrictive? Peut-être que oui, peut-être que non. Il y en a beaucoup qui prétendent que oui, il y en a beaucoup qui prétendent que non. Faudrait limiter à la place. Ça, c'est un débat de chiffres, tant qu'à moi. Puis dans ce débat-là, malheureusement, malgré le fait que c'est un débat de chiffres, il y a personne qui amène des chiffres. Mmh. Fait que, de toute façon, je veux pas m'en mêler, parce que moi, les débats de chiffres, ça m'intéresse pas. Moi, ce qui m'intéresse, comme je l'ai dit, je suis en philosophie, ce qui m'intéresse, c'est les normes morales qu'on peut mettre par rapport à ça. Les normes morales qu'on peut mettre par rapport à ça. C'est que d'un côté, puis là, je rentre vraiment ça me permet d'arriver là. Ce que je trouve problématique avec ce que Jean-François Lisée disait, c'est que lui, tout ce qu'il voit, c'est le côté bénéfice de l'immigration. Dans le sens, là, ce que je vais dire un grand mot, c'est qu'il instrumentalise l'immigration. D'accord. Lui, ce qu'il disait, c'est qu'il dit la bonne immigration, l'immigration qu'on veut, c'est premièrement, oui, l'immigration qui participe à notre culture francophone québécoise d'Amérique. Qui nous apporte quelque chose. Qui nous apporte... Ben, c'est ça. Lui, c'est vraiment ce que les autres nous apportent qui compte. Donc, premièrement, il faut qu'ils puissent contribuer à créer des nouveaux francophones pour la survivance du fait français et du nationalisme québécois. Dans le fond, lui, ce qui nous sous-entendait, puis c'est beaucoup moins pire que ce qui a été dit, de ce qui a été rapporté, de ce que lui disait, mais c'est quand même ça qu'il dit. C'est que ce qu'il dit, dans le fond, c'est que lui, il veut qu'eux autres puissent peupler le Québec. Embarquer dans notre nationalisme québécois, ouais. Tu sais. Porter le drapeau, là. C'est ça, porter le drapeau. Ouais. Tu sais, que ça sera pas des... quand ils vont arriver ici, ça sera pas des communautés visibles, là, parce que le multiculturaliste au PQ, on n'aime pas bien ça, puis tout. Faut qu'ils se mettent à porter des chemises carottées, puis à parler français comme nous autres, puis aller à... Tu sais, je veux dire, il va jamais dire ça, mais c'est quand même ce qu'il espère. Dans le meilleur des mondes, comme dans il le meilleur des mondes. Comment dire, la perfection qu'il cherchait, ou qu'est-ce que tu as dit tantôt? L'immigrant parfait. L'immigrant parfait. Ouais. L'autre chose aussi, c'est que là, il y a l'aspect nationaliste, on va dire, de la chose. C'est-à-dire, c'est ça qu'ils vont contribuer à renforcer. Parce que, tu sais, on s'entend, on est un peu une culture d'assiégés, les francophones au Québec. On est 8 millions de francophones dans un tas d'une couple de centaines de millions d'anglophones. C'est sûr qu'on a des mesures à prendre si on veut continuer de pouvoir parler français, mais il y a toujours bien des mots à dites limites, des fois. C'est-à-dire, faut pas que tout passe par ça non plus. L'autre chose, c'est que la deuxième chose, c'est que lui disait, c'est qu'il faut qu'il puisse contribuer à l'économie. Puis là, ça m'achève. Ça veut dire parce quoi? Parce que contribuer à l'économie, ben là, lui, ce qu'il nous dit, c'est que, ben là, il parlait beaucoup des études de ce que les gens ont fait. Puis je vais dire, le verbatim, je l'ai lu qu'une fois au complet parce que c'était long. Mais en gros, ce qu'il nous disait aussi, c'est que fallait que ces gens-là puissent contribuer à l'économie. Souvent, quand on va dire qu'il faut qu'ils puissent contribuer à l'économie, c'est que nous autres, ce qu'on veut, c'est avoir les diplômés, mm-hmm. mais on n'a pas payé pour leurs études. Okay. On veut les gens qui ont de l'argent, mais que les subventions qui leur ont été données pour qu'ils fassent leur fortune, c'est pas nous autres qui les a données. Mm-hmm. Ça, c'est contribuer à l'économie en général. Ils veulent pas juste des gens qui vont aller cueillir des fraises parce que personne d'autre veut les cueillir. C'est ça. Genre. Ils veulent pas. Ben, pis ça, en même temps, c'est déjà. Ça aussi, c'est contribuer à l'économie. Ça, c'est l'autre grosse tangente. Ça, M. Lisan n'a pas parlé. Ouais. Lui, ce qu'il parlait, c'est vraiment. Puis c'est ça, en universitaire, en intellectuel, lui a parlé des gens qui avaient des études, puis ainsi de suite. Ça, c'est une chose. Sauf que moi, ce que je vais en venir, puis d'ailleurs, c'est très cool parce que j'ai bouclé cette semaine ma section sur ça dans mon mémoire. Fait que c'était très, très dans ma tête. C'est vrai, là, oui. Tout tombe bien, tout fait bien. C'est que le trouble avec ça, c'est qu'il faut penser aux immigrants un peu aussi. C'est ben des ouais, personnes aussi. Ouais. On peut pas les traiter comme « Ah, ben vous êtes des ressources. Vous êtes, on vous met sur le même pied d'égalité que les tracteurs qu'on achète en Angleterre, que les tanks qu'on achète, les avions qu'on achète aux États-Unis, que les... » Ce que vous voulez, là, tu sais. C'est des personnes à la base, c'est des personnes que quand ils se déracinent de leur pays, puis c'est ça qu'il faut voir des fois, puis c'est ça, des fois, d'ailleurs, les arguments nationalistes sont comme, là, ils veulent avoir on va dire que là, les immigrants veulent garder leur culture quand ils viennent ici. Non, ils s'arrachent de leur culture pour venir ici. Ils essaient de garder des morceaux qui vont les aider à faire la transition. C'est ça qu'on... Des pour, fois, encore on... une fois, quitter un pays en guerre ou un pays déchiré. Ben, oui, exact. Puis même si le pays n'est pas en guerre, je lisais justement pour ma maîtrise une auteure qui disait, dans le domaine... On s'ostine jamais, puis même ben là ça a commencé d'ailleurs, puis ça je trouve ça un peu dégueulasse, mais à capoter avec le nombre de réfugiés qui veulent venir se réfugier. D'habitude, le cas des réfugiés, c'est un cas qui est assez... c'est de la générosité pure et simple, c'est de la base en fait. Là. Les réfugiés, c'est les gens qui peuvent plus vivre dans leur pays parce qu'il y a la guerre, il y a des conditions humanitaires, pas d'allure, puis... Tu sais que la définition de réfugié, c'est quelqu'un qui demande l'asile dans un autre pays parce que son pays, son intégrité physique est menacée au jour le jour. Dans le mot, ça le dit, il doit se réfugier. C'est ça. Ce que l'auteur s'appelle d'ailleurs, elle a un nom très drôle, Léa Hippie. Ah! Son nom complet, prénom et nom de famille fit en 6 lettres. Ah, je pensais que c'était son prénom, Léa Hippie, provenché. Léa, espace, YPI. C'est une auteure, une philosophe anglaise, mais ce qu'elle disait, c'est qu'elle disait en fait ce qu'on appelle présentement les migrants économiques, ce qui est un peu condescendant, parce que c'est comme de dire ah ben tu sais c'est un peu des gold diggers. Ils viennent ici pour l'argent finalement. Ils viennent ici pour l'argent, tu sais, ils veulent avoir une meilleure job en venant ici, mais ce qu'elle dit, c'est que si ils se déracinent de leur pays, il y a des bonnes chances que c'est pas parce qu'ils veulent gagner 2 piastres de plus de l'heure. Non, c'est ça. C'est parce que dans leur pays, ils n'ont pas les opportunités de mener la vie qu'ils voudraient mener. Puis qu'est-ce qu'il y a de mal en fait que peut-être que ça pourrait devenir à la place du rêve américain, le rêve canadien? Ben, le rêve américain, ça... Mais c'est parce que présentement, le rêve américain, il doit être en train de mourir pas mal à petit feu. Ben, il se trouve des gens pour dire que le rêve américain a toujours été canadien, en fait, parce qu'aux États-Unis... Ça a été vrai dans les débuts que, oui, n'importe qui pouvait faire fortune. À cette heure, il y a des oligarchies, dans un peu tout. Je veux dire, si t'es pas allé dans une école de la Ivy League, tu feras pas grand-chose après non plus. Tu risques de prendre ton diplôme de collège puis d'aller travailler comme barista. Ça, c'est le cliché, mais c'est un peu ça quand même. Rentrer dans une école de Ivy League, c'est déjà pas facile. En plus, il faut que tu payes tes frais de scolarité. Si on parle de plusieurs centaines de milliers de dollars en frais de scolarité pour la longueur des études. Bon, le rêve américain, là, c'est très discutable, mais il y a pas mal plus de chances d'être Canadien parce que nous autres, les universités sont plus abordables. L'école, en général, est abordable. On a un système de santé qui est gratuit pour la plus grande part. Là encore, ça vient discutable, là, mais on s'entend, tu passes pas mal plus vite au privé. Mais on s'embarquera pas sur le fait non plus que, Hillary Clinton promet le collège-université sans dette. Tu sais, des trucs comme ça, on en reparlera peut-être une autre fois. Ouais, c'est ça, on en reparlera une autre fois. Puis ça, c'est le genre de promesse qu'on a déjà vu. Puis que, finalement, on va le faire, puis on va mettre des limites. Puis finalement, c'est putain. C'est juste pour rendre les fans de Bernie Sanders heureux. C'est ça, exactement, mais c'est tout en mieux. C'est ça. Puis là où ce que on va revenir à nos immigrants 2 secondes, c'est que c'est ça, c'est que dans le fond, l'auteur de qui je parlais, les IP, ce qu'elle disait, c'est que si ces gens-là se déracinent de leur pays, c'est pas pour gagner 2 piastres de plus de l'heure probablement, c'est parce que leur pays ne leur fournit pas les opportunités minimales pour qu'ils puissent mener la vie qu'ils veulent. Donc, faudrait traiter ça. Puis ça, je vais tomber dans la technique pendant 2 minutes et quart parce que c'est à peu près le temps qui me reste. Ça, c'est que dans le fond, ça, c'est une mentalité très, très anglaise, mais en même temps, ça aide un peu à le comprendre. C'est que ce qu'on va dire, c'est qu'un pays, un État, là, une nation. Whatever. Là. Va être. En fait, c'est ça, c'est vraiment l'aspect. Parce qu'une nation, c'est très discutable parce que c'est très, très culturel. C'est vrai, une nation. T'as déjà dit ça, ouais. Contrairement à quand on parle vraiment de l'État, que là, c'est vraiment l'aspect bureaucratique, le gouvernement. Bon. Donc, un État qui ne dans le fond, dans le cas des réfugiés, la logique, comme je dis, c'est anglais comme mentalité un peu, mais c'est qu'on a une espèce de contrat social. C'est-à-dire que quand on vient au monde dans une société ou quand on fait partie d'une société, c'est comme si, par défaut, on avait signé une espèce de contrat avec tout le monde pour remettre notre propre gouvernance qu'on a nous-mêmes en tant qu'être humain, le remettre à une autorité supérieure qui est l'État, qui va régler les chicanes entre nous autres puis qui va redistribuer pour qu'il y ait plus de justice, et ainsi de suite. Puis ce qu'on dit dans le cas des réfugiés, la logique, quand on prend cette logique-là, c'est ce qu'on appelle le libéralisme politique classique, mettons, à ne pas mélanger avec le libéralisme économique et le néolibéralisme économique, il y a juste le nom presque de semblable. Dans le libéralisme politique classique, on appelle ça un contrat social. Et la manière dans cette perspective-là de voir les réfugiés, c'est que il y a un bris du contrat social, parce qu'un contrat, il y a tout le temps deux parties. Il y a la population et le gouvernement. La population remet son autorité au gouvernement en échange que le gouvernement protège la population et travaille à ses intérêts et à lui fournir les opportunités. Dans le cas des réfugiés, c'est très, très clair qu'il y a un bris du contrat social parce que l'État met en danger la vie de ses citoyens. Donc, le contrat social est aucunement respecté. C'est pour ça que Dans cette compréhension-là de la chose, c'est pour ça que les autres pays acceptent de recevoir les réfugiés. C'est parce que, oui, votre État, c'est des douchebags, puis, ben, on va vous sauver la vie. Et ce que cet auteur-là propose, c'est que les immigrants devraient être considérés comme... Des douchebags. Non, justement. Les douchebags, c'est les États pas gentils. Et de dire que quand on remarque qu'il y a beaucoup de gens qui viennent qui partent pour des raisons économiques, on va dire, mais là, on va parler plus d'opportunités, parce que c'est de mener la vie qu'on veut. On parle pas juste d'argent, dans ce cas-là. Parce que c'est pas rien qu'un salaire, on s'entend, une job, là. C'est aussi la job que tu fais. C'est pour ça, d'ailleurs, mini parenthèse, c'est pour ça que j'aime pas quand il y a des gens comme Lisée parlent seulement de l'économie pour parler de ce que les immigrants peuvent faire pour nous. Là. Non, c'est totalement... C'est pas juste fournir de la richesse, c'est contribuer à la société dans laquelle on vit. C'est pas pareil. Il y a comme l'enrobage qu'on oublie un peu. Ouais. On y va avec le squelette pas mal. Donc, c'est ça. Donc, il faudrait considérer ça comme une rupture moins grave, on va se le dire, mais quand même grave, du contrat social quand les opportunités, quand il n'y a pas un minimum d'opportunités disponibles qui fait que les gens doivent se pousser ailleurs. Donc, c'est pour ça qu'il faudrait considérer plutôt de voir les migrants comme des migrants économiques qui viennent améliorer le salaire, il faudrait les voir comme des réfugiés soft, mettons. Oh! Carrément. Fait que là, ça nous genre velouté, à tartiner, ouais, c'est ça. Au lieu d'être ouais, croquant c'est ça. Comme... C'est ça. Au lieu de... Tu sais, c'est sont moins dans chenoute que les réfugiés dans le sens traditionnel du terme, mais sont un peu dans chenoute pareil. Tu sais, si tu peux pas te réaliser le moindrement comme être humain, t'es dans chenoute. Je veux dire, ceux qui ont fait la science humaine, la pyramide de Maslow, mm-hmm. Tu sais, mm-hmm. les réfugiés traditionnels, c'est vraiment la base qu'ils ont pas. Là. C'est l'alimentation, la sécurité physique, tout le kit. Les autres réfugiés, on va dire que ça va être un petit peu plus haut dans la pyramide, mais leurs besoins sont quand même vraiment pas rencontrés par dans leur état d'origine. Donc, c'est pour ça. Puis l'idée, puis là, je le ramène au discours de Jean-François Lisée, mais c'est le discours de beaucoup de gens présentement, c'est qu'on oublie qu'effectivement, les immigrants, c'est des personnes qui, eux autres aussi, ont des besoins et ont des buts à... Donc, de tout mettre de notre bord, de dire « ben moi, je fais mon cherry picking, puis je prends juste ce qui me tente », ben, on n'est pas très, très juste en faisant ça. Donc, je vais y aller. Ça va être un peu ma conclusion. C'est que, où ce que j'en arrive, c'est que si on se met le droit de refuser des gens, mais il faut au moins le justifier d'une manière que les gens puissent l'accepter. Dans le sens, faut être juste dans cette décision-là. Faut qu'on ait des critères. Ça, on n'est pas pire. On a des bons, on a un bon système de critères. On peut pas dire qu'il y a quelqu'un qui est refusé au Canada. On peut questionner le cas par cas, mais on peut pas dire que la démarche globale est complètement mauvaise. Je veux dire, il y a tout le temps possibilité d'ajustement pis tout, mais généralement, la mentalité derrière ça est pas mauvaise. Faut juste, comme je dis, faut juste faire attention à ne pas instrumentaliser. J'avais tout un autre pan de mon idée par rapport aussi vraiment à l'aspect plus nationaliste, que je vais résumer. Tu vas le résumer très rapidement. Je peux t'aimer la semaine prochaine pour le faire, mais vas-y. Ouais, ben la semaine prochaine, il va y avoir d'autres choses. D'autres affaires, OK. Fait que j'espère que je ne perdrai pas encore de viser une autre semaine. Prends ton temps. l'autre danger aussi, c'est que quand on parle l'aspect national, l'aspect culturel surtout, qu'on veut préserver notre culture, préserver une culture, ça se fait pas. Parce que même si on restait, mettons qu'au Québec, on se construirait un grand mur autour, puis qu'on serait juste entre Québécois francophones, que nos ancêtres sont arrivés au moins 200 ans ici, Et qu'on parle tout français, qu'on était tous d'héritage catholique, on va dire. Là. Je dis ça parce qu'on est tous, on s'entend qu'on à la base, notre génération, ouais. Plus grand monde qui sont même incroyants. Hein, mais tu sais, on a quand même grandi un peu dans ce contexte-là. Mettons donc qu'on reste dans ce qu'on appelle, ce que certains appellent les Québécois de souche. Ouais. Là, les porteux de chemise, les porteux de chemise carottées. D'ailleurs, j'en ai une aujourd'hui, ça tombe bien. Les porteux de chemise carottées, le cabane à sucre, tout le kit, le cliché que les Français ont de nous autres, à la limite. Là. Même si on reste entre nous autres, la culture va évoluer. Fait que, faut arrêter de voir ça comme de quoi de purement négatif, le fait qu'on arrive avec d'autres cultures. C'est pas se diluer, c'est au contraire s'améliorer. Une analogie avec la sauce à spag, que si tu fais de la sauce à spag juste avec de la sauce tomate, mais c'est un peu plat. Hey, wow! Rajouter du chorizo dedans, c'est bon, par exemple. Oh, de la saucisse, hein? Oui. Si t'as pas le goût de mettre du chorizo dans ta sauce à spag, mais tu veux mettre des piments, t'as le droit aussi. Là. Ouais. T'sais, mais sache que le chorizo est maintenant disponible parce qu'il y a du monde qui l'ont amené. c'est un peu ça ce que je voulais en venir. Wow. C'est pour ça quand on parle trop de pureté culturelle. Puis là, c'est pas le mot qui est utilisé, mais c'est le mot que moi je vais utiliser. Ben, c'est le mot que certains utilisaient dans d'autres places européennes, peut-être. C'est ça. C'est ça. Puis là, je veux pas faire de point Godwin à matin. Là, non, je sais, parce que aussitôt que t'amènes les. La croix bizarre puis c'est ça. C'est ça. Puis je veux pas le débat. Vraiment pas aller là parce que ça c'est de l'exagération au coton dans ce qu'on parle présentement, mais pureté. Ce que je veux dire, c'est ça, c'est que c'est un mot qui est pas utilisé, mais tu le sens sur le bout des lèvres de la plupart du monde quand ils parlent de ça. On veut rester entre nous autres, on veut pas trop que ça change puis tout. Puis ben ça va changer pareil. Ouais. La preuve, présentement, tu sais, on ne vit pas comme nos arrière-grands-parents. Non, exact. Ça évolue avec le temps. La même si tu fais tout pour ne pas évoluer, à part si tu vas te cacher à 6000 km de la civilisation dans la forêt tropicale amazonienne. Tu vas dans un camp, je voulais pas dire ça. non, mais on arrête. C'était pas du tout là, je m'en allais de toute façon, mais c'est même si tu en vas te cacher dans le bois pendant plusieurs décennies, tu sais, je veux dire, tu vas voir des avions passer au-dessus de ta tête pareil. Fait que. C'est ça. T'sais, à un moment donné, ça évolue, ça avance. Tu peux très bien décider que ça avance pas pour le mieux. Ça, c'est ton droit, mais tu peux pas empêcher les autres d'avancer pour ça. Et ce sera la fin de ma chronique aujourd'hui. Wow. Comment tu les as appelés tantôt, les migrants soft? Les réfugiés soft. Les réfugiés soft. Je les appelle les réfugiés moelleux. Oh! Comme le pain. Moelleux. Okay. Et tu nous as fait aujourd'hui réaliser bien les choses. Lisez. Eh boy. Ouais. Wow. Ça a sûrement déjà été dit. Match de mon plan. Ouais. Ils ont sûrement déjà fait genre Élysée. Fait que, tu sais, moi, j'essaie de varier un peu. Merci, Sébastien Vigard. Merci. On se retrouve la semaine prochaine, toujours les mercredis à 7h30. Nouveau jour, nouvelle heure. Oui. Je crois par rapport à l'année passée. Oui. C'était 8h30 l'année passée. Puis c'était le 6 mois. L'année d'avant, c'était à 7h30, par exemple. C'est une belle place pour toi. Ouais, cette fois, ça t'a levé. Ouais. Ton demi-café dans cette petite tasse de café portative. Bref, bonne semaine. Bonne semaine. Nous, à Assemblage Requis, on continue l'émission, bien sûr, mais on a une petite chanson parce que, comme Sébastien Guertin a dit, une fois sur deux, sa chronique est avec podcast. Oui, exactement. Et j'ai préparé avec podcast, pièce du palmarès francophone. Qu'est-ce que c'est, Tania, avec podcast? Avec podcast, c'est la nouvelle entrée qui est Loup-Garou. À Assemblage Requis, tout de suite. Loup-garou, sans pleine lune, coureur sans son départ, buveur sans son comptoir, un soir de semaine. Oh, oh, oh. Le diable en quarantaine, je viens sur toi. Connaîtras-tu? Je gagne à être perdu de temps en temps. Oh, oh, oh, oh. Sans camouflage lent. Thank you. Ah, c'était avec pas de casque. Et le nom de la pièce, c'était quoi déjà? Loup-garou. Loup-garou. Nous, on revient dans quelques minutes avec plus d'assemblages requis. Et la chronique, ça existe, mais ça ne devrait pas. On l'a. Assemblage requis pour toi, aujourd'hui. Vous êtes assez tassé pour l'écouter. Pour l'écouter. 89.1. Assemblage requis pour toi, aujourd'hui. Vous écoutez Assemblage Requis en ce mercredi 28 septembre 2016. Il est Tania Baudin. Et Mathieu Blanc. Ah oui, oui, oui. Et maintenant, ben, c'est le moment de s'acheter des gadgets. On est mercredi. On a toujours notre classique du mercredi. Ça change rarement. Peu importe si les chroniqueurs, eux, changent de place. Les chroniqueurs, d'habitude, restent au moins la même journée. On essaie, en tout cas, de les garder la même journée. Mm-hmm. Donc, c'est le moment de s'acheter des gadgets. Donc, ça existe, mais ça ne devrait pas. On l'a. Ça existe et ça devrait pas. On a la chronique où on achète des gadgets sur Internet et on le regrette instantanément. J'ai de la misère avec mon slogan aujourd'hui. Commençons par... t'as déjà voulu probablement, Tania, te sentir comme une vedette d'Hollywood? Lorsque j'étais plus jeune, oui. Peut-être, oui. Tu sais, les vedettes qui se maquillent devant un miroir avec des globes dessus. Oui, les belles ampoules oui. tout autour, ben, tu peux en acheter un maintenant. Ouh! Ben, en fait, t'as toujours pu t'en acheter un, mais dans ce cas-ci, il est quand même assez abordable, à seulement 200$ américains. Donc, asseyez-vous devant votre miroir de votre vanité, comme on appelle vanity, comme dans quelqu'un de vaniteux qui se regarde dans oui. moi. Donc, c'est un miroir qui accueille 12 ampoules E14, avec un gros cadrage très large et ça vient en différents finis, en blanc, en noir, en argenté et en doré. 198$ américains. On aime ça. Ouais. Ensuite, un minuscule téléphone de la grandeur d'une carte de crédit. C'est un vrai téléphone de grandeur minimaliste, donc qui vous permet de vous débrancher du monde moderne sans avoir à se déconnecter. À part pour envoyer des appels et des messages textes, on a enlevé pas mal toutes les autres options pour passer moins de temps sur votre téléphone. C'est fait pour faire la base. Donc c'est très très mince, ça rentre littéralement dans le portefeuille. On le voit dans sur la photo, il est dans le portefeuille. Et tu peux écrire des messages textes un peu à l'ancienne en appuyant sur, bon, 333-55-666-7-9-9-9 pour faire différentes lettres. J'ai pas dit le prix, hein. Non. J'ai fermé mon onglet depuis. C'est quand même pas si cher. Hein? $59 américains. Pas cher. Ensuite, dans la voiture, des fois, t'as un sac à poubelle ou sinon tu lances tes restants de fast-food sur le siège en arrière. Oui. Ça t'arrive. Et là, quand t'as... Non, j'utilise les dedans de mes portes. Ah, bon, ben tu vois, il y a pas tant de place que ça là-dedans. Et quand t'as un sac, ben il va partout dans ta voiture. Puis là, ben les gens viennent pour s'asseoir dans ton char. Puis, Colin, ils sont les pieds dans les poubelles. Donc, gardez votre voiture bien propre avec une poubelle qui tient debout. C'est fait à 100% de plastique recyclé. C'est très mince, très petit et ça tient toujours debout. Il y a deux clips à la base pour s'attacher au tapis de votre voiture. C'est cool, au tapis. C'est vraiment très hot. Ça fonctionne donc dans toutes les voitures. T'as pas à avoir un certain modèle où tu l'accroches sur le côté du tableau de bord ou peu importe. C'est par terre avec le tapis pour $21 américains. Ensuite, c'est les Zubit Fasteners. Tu as sûrement entendu parler des souliers à la Retour vers le futur 2, je crois. Oui. Les souliers qui s'attachent tout seuls, c'est pas de ça qu'on parle. On parle ici des Zubits qui vous aident à attacher vos souliers sans avoir à faire trop d'efforts. Donc, c'est une solution à ce problème du first world, comme on appelle en anglais. C'est des aimants avec des trous dedans où vous mettez vos lacets. Une fois que c'est fait, mettre et enlever vos souliers va être super simple. Vous avez juste à désnapper l'aimant. Glisser votre pied et resnapper ça. Super simple. Il faut que tu tiennes ton talon avec ton autre pied pour retirer ton pied du soulier. OK. En tant que tel. Juste assez de pression pour séparer les aimants et vous libérer. Vraiment très, très bonne idée. Ça coûte entre 20 et $22 dépendant de la longueur de vos lacets. Super simple. C'est vraiment comme une petite barre avec des trous sur les côtés. Mais il y a des aimants dedans. C'est vraiment cool. Vraiment génial. Ouais, bonne idée. Les Zubits. Ensuite... ton iMac ou ton iMac d'Apple, le grand ordinateur de bureau, oui. Ça donne à ne pas être tactile. C'est vrai. Il y a même une publicité de Microsoft maintenant qui parle des MacBooks comme de quoi qui ne sont pas tactiles et ils vendent ça comme quelque chose donc que Microsoft a de plus que Apple. Bon, c'est quand même vrai, les gens ont besoin de tactile de nos jours apparemment. Donc le produit à l'origine s'appelait le Zero Mask, mais Max comme avec un genre de jeu de mots avec Mac et Mask. Le Zero Mask. Tu comprends? Wow. Mais apparemment que c'était copyright pour eux autres, donc on a changé le nom. Ça va sur n'importe quel iMac de 27 pouces d'écran. Ça enlève pas l'esthétique de l'écran parce que ça, quand tu regardes la photo, ça a l'air d'être l'écran d'origine. Mm-hmm. Donc, il y a des photos avec et sans sur assemblagejockey.com. On voit quand même que le logo est dans un petit rond découpé en dessous du plastique. Donc, le Mask Touch est un film mince de 2,26 pouces d'épais qui va autour de votre écran de iMac. Ça fonctionne avec une grille infrarouge. Donc, quand tu mets ton doigt, un crayon, des baguettes chinoises ou peu importe, ça va interrompre l'infrarouge et ça va donc comprendre le tactile avec ça. Vous pouvez aller voir les photos et les détails sur assemblagejockey.com. Le récepteur d'infrarouge fait 4 ou 5 mm. C'est ça, et est autour du cadrage que vous rajoutez par-dessus votre iMac. Donc c'est ça, c'est pas vraiment du tactile comme on s'attendrait du tactile sur un téléphone ou sur un iPad, mais au moins ça va quand même pouvoir, tu vas pouvoir cliquer sur les boutons, tasser ta souris de place, des trucs comme ça. Pardonnez-moi. C'est ça, c'est à peu près tout. Ouais. L'installation est rapide et facile avec un ruban adhésif à double côté. Qui s'installe quand même assez facilement et le tout se branche dans un port USB pour avoir la connexion infrarouge. Donc allez voir si ça vous intéresse sur assemblagejockey.com. C'est comme une façon de pallier un problème que certains ont. Donc c'est disponible sur Amazon. Voilà. Ensuite, le cake dozer. On y va dans le plus facile un petit peu quand t'as de la difficulté à couper une pointe de gâteau et la distribuer à tes invités. Parce que bon, t'as une spatule, la spatule est pas en triangle, ouais. Comme ça, ça défait tout. Ou bien ton gâteau est un petit peu moelleux ou mou en dessous et tu perds des morceaux. Donc il te faut le cake dozer qui est comme un petit bulldozer pour tes pointes de gâteau. C'est génial. C'est le fun, hein? Donc c'est Lilac Greenblatt et Pellet Design Studio qui ont créé le cake dozer. C'est un appareil heavy duty équipé de petits bulldozers, donc petit mais puissant, dans la poignée du truc... de la spatule à tarte, ouais. Finalement. Pour t'assister un petit peu, dans le fond, c'est que tu vas couper ton gâteau, tu vas glisser la spatule en dessous et le bulldozer est bougeable, amovible, en tout cas, bref, que tu peux pousser dessus, ça va pousser la pelle du bulldozer pour que le gâteau tombe dans l'assiette et en gardant le dessous. C'est drôle. C'est le fun quand même. Disponible en précommande, ça va être lancé le 10 octobre, donc juste à temps pour l'action de grâce. Ensuite, on va au lit, on retourne se coucher, ça ferait du bien. T'as peut-être vu des publicités pour le Sleep Number Bed. C'est le lit que tu peux ajuster d'un bord ou de l'autre pour sa fermeté, donc plus moelleux, c'est le mot du jour apparemment aujourd'hui, et un côté un petit peu plus ferme. Maintenant, ils ont un nouveau lit qui s'appelle le Sleep Numbers It Bed. Donc, avec Active Comfort, ça vous permet d'ajuster la fermeté du matelas directement de votre téléphone cellulaire. Il y a des chambres remplies d'air Active Comfort qui peuvent être changées de moelleux à ferme avec votre téléphone, bien sûr, super facilement. Les deux moitiés sont indépendamment contrôlées pour donner à chaque personne leur niveau désiré. Il y a aussi Sleep IQ, qui est un sleep tracker, donc un surveillant de sommeil avec des sensors dans le matelas pour mesurer le battement cardiaque, la respiration et les mouvements, pour vraiment savoir comment vous respirez, pendant combien de temps, peut-être savoir si vous faites de l'apnée du sommeil, qui sait. Ouais. Et ça pousse ces informations vers votre téléphone cellulaire pour que le matin, vous ayez un compte-rendu de votre nuit de sommeil. Vraiment cool. Si vous avez d'autres fitness trackers comme, il n'y a pas de marque, mais mettons les Fitbit ou encore un thermostat Nest, vous pouvez lier ça au HitBed et avoir une idée de comment vos températures de pièces affectent votre sommeil. Tout ça pour un prix qui est quand même, je dirais, pour un matelas, très peu cher. Ah ouais? Je trouve 800$ américains, 1100$ ouais, pour un queen. C'est bien raison. Pour un matelas, c'est pas super cher. 800$, non. C'est pour un double, je crois. 1100$ pour un queen, j'imagine qu'ils ont des kings encore plus chers. Mais des matelas, c'est plusieurs milliers de dollars habituellement. Donc, sleepnumber.com. Ensuite, le Nerdy Valley. Tu sais, quand t'arrives à la maison, tu veux dropper tes clés, ton portefeuille, oui. Bon, sur une surface. Des fois, tu fais sur la table, de la cuisine, sur la table du salon, peu importe. Mais c'est toujours le fun d'avoir une home base. J'aime toujours avoir un bol ou une assiette pour les mettre dedans. Ici, on augmente le degré de geekitude à un autre niveau, avec des petites assiettes de même, mais avec des logos de super-héros dessus. De Marvel. Mais t'as-tu vu si tu descends? T'as peut-être pas le même article que moi. J'ai le petit caca en émoji, hein? Est-ce que t'achèterais l'émoji caca pour mettre tes clés et tes affaires? Ben peut-être pas à ce prix-là, mais... Il y a même des googly eyes, tu sais, les petits yeux qui bougent tout seuls. Je sais, mais il est cute. Vraiment. Le prix doit être en bas complètement de l'article, 80 à 85 $ américains. C'est cher. Oui, c'est vraiment très cher. Il y a aussi d'autres symboles, il y a Deadpool, il y a The Punisher aussi, donc les vedettes de Marvel. Il y a aussi un qui est inspiré par Boba Fett. Donc, facile quand même, simple à comprendre. Une assiette avec la face ou le logo de quelque chose pour mettre vos clés. Ensuite, on parle toujours au moins d'une chose qui est en lien avec soit les hamacs, les tentes, le camping. Il y a toujours une chose là-dedans dans cette chronique. Ici, c'est la tente pour créer une chambre à l'intérieur d'une chambre. Donc, okay. Ça crée une tente sur votre lit. Un peu comme quand on était jeune, j'avais ça quand j'étais jeune, une tente qui allait par-dessus mon lit. Mais c'est pour les adultes. Oh. Pour améliorer la qualité de votre sommeil. À part créer un endroit confortable pour dormir, la tente est faite d'un tissu blackout, donc qui bloque 95% jusqu'à 95% de lumière et qui aide à garder l'air froid à l'extérieur de la tente. Donc, tu restes au chaud. Ooh. À l'intérieur pour 109$ américains. Disponible en plusieurs couleurs, entre autres noir et blanc. Et après ça, à l'intérieur de la tente, il y a même un petit hamac pour votre portable. Hey, c'est malade! C'est magnifique. Hein? T'as l'impression de camper dans ta maison. Ici, je crois qu'ils l'ont installé dans... Ça a plus l'air d'un salon que d'une chambre, mais je pense que c'est une chambre. Mais ça doit tellement trop t'inciter à dormir. Ben oui, tu passes la fin de semaine là-dedans avec Netflix, là, puis tu sors pas de là. Ah non, c'est sûr. Tu te fais livrer, là. Tu te fais livrer tout ce que tu veux. Ensuite, tiens, oh, on en parle souvent, là. Je sais que c'est vraiment rendu un petit peu redondant de parler de la prise d'écouteurs du iPhone 7. Hein? Mais enfin, quelqu'un a trouvé une façon de remettre la prise d'écouteurs. Et non, ce n'est pas, comme vous avez vu sur Facebook ou dans la chronique Le Vrai Le Faux récemment, ce n'est pas de faire un trou dans votre iPhone. Téléphone. Ça ne fonctionne pas. Et pour vrai, ceux qui sont du genre à penser que c'est vrai, vous êtes naïfs en titi. Ouais, c'est ça. En titi. Donc, laissez faire, pas laisser faire Apple dans le sens d'aller sur Android. C'est plutôt le Dapter, D-A-P-T-R. C'est un étui iPhone qui remet la prise audio là où elle devrait être. Hein? Donc, Apple, comme tout le monde le sait, a courageusement, c'est leur mot, hein, ils ont utilisé le mot courage. Ah, wow. Oui, c'est par courage qu'ils l'ont fait. Pour enlever la prise audio de leur plus récente incarnation du iPhone, ceux qui l'ont acheté et qui, là, sont pris avec un paquet de paires d'écouteurs. Bon, OK, peut-être que tu vas t'acheter une paire d'écouteurs à Bluetooth. Ouais. Oui, peut-être que tu vas acheter une paire d'écouteurs Lightning, peut-être utiliser celle qui vient dans ton emballage. Mais s'il te reste d'autres écouteurs et que tu en as besoin pour des utilisations spéciales, l'étui Dapter résout le problème en vous redonnant votre prise. Comment ça fait? Ben, c'est que tu rentres ton téléphone dans l'étui. OK. Et puis en dessous, un peu comme un Mac Juice, le truc de batterie. Là. Oui. C'est quoi le nom? Je me rappelle plus. Bref, c'est un truc de plastique. Hein? Bon, tu mets ton téléphone dedans, ça se branche à la prise Lightning et la prise écouteur vient en ressortir sur le côté à la même place où elle était habituellement. Et ça te donne, oui, un deuxième port Lightning à la droite du vrai port Lightning pour pouvoir charger ton téléphone en même temps que tu aurais un autre accessoire Lightning en même temps que tu écouterais de la musique sur ton port écouteur. Ah, OK. Hein? Tu vas seulement ajouter 3 mm d'épaisseur à ton téléphone, mais par contre, tu ajoutes 20 mm à la longueur de téléphone qui est déjà, selon certains, selon moi, entre autres, beaucoup trop long. Apple n'a pas encore compris que en enlevant le bouton Home, en le mettant ailleurs, il aurait pu enlever tout le haut et tout le bas du téléphone. T'sais? Tu comprends, genre les marges à gauche et à droite sont pas très larges, mais en haut et en bas sont c'est vrai, hein? Beaucoup trop larges pour 2016. Disponible en décembre à partir de 49$ américains. Ça s'appelle le Dapter, D-A-P-T-R. Ensuite, une horloge qui vous dit l'heure. Ouh. Simple quand même pour les personnes qui n'ont pas la capacité de voir, entre autres, mais aussi ceux qui veulent se faire réveiller par le son d'une belle voix féminine. Donc, c'est le Digital Voice Table Clock, hein, qui est dans un beau petit cadre, comment dire, dans une boîte de bois, voilà, fait à partir de bois super classe. À l'intérieur, tu as une horloge numérique et une alarme qui est dirigée vers un haut-parleur Bluetooth pour jouer du son et un microphone à l'intérieur pour faire des appels sans fil du confort de votre lit. Donc, tu pourrais demander avec le haut-parleur Bluetooth et le microphone, tu pourrais demander à Siri, quelle heure il est? Quel est-il? Combien il fait dehors? Et tu te ferais répondre par le haut-parleur Bluetooth. Simple! Mmh. Téléphone sans fil dans votre lit. Ben oui! Tu mets ça dans ta tente, puis soudainement, ta vie est passée à l'intérieur de la maison, comme on aimerait tous faire. Ensuite, c'est une presse à hamburger. On va dans la cuisine un petit peu. C'est quand même particulier comme gadget. On a déjà tous vu des presses à panini, des trucs comme ça. Mais ici, c'est une presse qui est faite exprès pour mettre une boulette de hamburger, mettre de la garniture et mettre une autre boulette d'hamburger et ensuite venir faire griller le tout pour faire une boulette, évidemment, fourrée. Oh. Hein? Délicieux hamburger qui va remplir vos artères de gras comme on aime ça. Ça pourrait être du fromage, ça pourrait être du bacon, ça pourrait être du gras, directement du gras. Ça pourrait être une couche de beurre. Des légumes, je sais pas. Peut-être, ouais. Ben, tu sais, la salade, c'est juste dans le chemin, comme on dit. Ça. Non, mais si tu fais... Tu fais, mettons, une boulette végé. Oui, aux avocats, hein? Ouais, c'est ça. Oh boy! Oh boy! Tu peux mélanger les légumes et la viande. T'es pas obligé d'être juste végétarien ou juste viande. T'as bien raison. Ouais, donc bref, ça coûte 20$. Gadget bien simple, là, mais ça m'intrigue. Ensuite, vous vous sentez coupable. Tania, est-ce que tu t'es déjà senti coupable de tuer une araignée? Ouais. Ouais. Est-ce que tu les tues, les araignées? Ou tu demandes papa? Non. Non? Je les tue. Tu les tues? Je les tue pour ma mère. Est-ce que tu les tues pour les remettre dehors et les laisser s'envoler? Non. Non. Ça, non. Ben regarde, j'ai une solution pour toi. Si tu te sens coupable, c'est le bug vacuum. Simple, hein? C'est comme un aspirateur. OK. Sans produits chimiques, sans dégâts, sans insectes, bien sûr, et complètement rechargeable. Le bug vacuum, c'est donc un aspirateur qu'on tient dans sa main avec une lumière LED pour vraiment être efficace la nuit, même quand, tu sais, quand tu t'endors et que tu découvres un maringouin. T'as ça sur ta table de nuit. Tu l'attrapes. Donc, tu peux aussi observer ton insecte sans y toucher. Et puis, avant de l'aspirer dans son compartiment transparent, ça coûte 23$ à une bonne distance quand même. Donc, même si c'est une grosse araignée, t'auras pas à t'en approcher trop. Parce au moins. C'est comme un sabre laser. Ça a vraiment l'air d'un sabre laser pour enfants. C'est hot en titi, je trouve. Je comprends pas trop le bourgogne de la chose, un genre de rouge bizarre. C'est-tu pour aller avec le sang que tu vas comme t'empêcher de faire quand tu vas tuer la bébé? On sait pas. Je sais pas, peut-être que le gars tripait sur le bourgogne. Peut-être. Ensuite, tiens, pour ton date night, ta prochaine sortie spéciale d'amour, peut-être. Donc, pour garder ta relation bien excitante, à l'année longue, c'est une carte, pas une carte, une boîte de cartes date night. Donc, ça s'appelle A Little Box of Date Night. C'est 52 idées, 52 cartes pour avoir une date amusante, romantique et unique à chaque semaine. Okay. 52 semaines par année, bien sûr. 52 cartes différentes, uniques, comme, je sais pas, se bécoter sur le bord d'un canyon, tout le genre. Le canyon? Je sais pas. Passer la journée dans un musée d'art. Ah, partager un bain rempli de bulles. Ça pourrait être ça? Ouais. Pour 15$, l'emballage de 52 cartes uniques. Je sais pas s'il va y avoir des extensions pour ceux qui ont plus qu'une date par semaine grâce à Tinder. Je sais pas, hein? Love me. Mais il y en a une, c'est Create Your Own. Ouais, genre, fait que tu peux marquer au crayon feuille dessus. Exactement. T'as pas des jokers aussi, genre, passe mon tour. Ça me tente pas. No, better luck next time. Mal à la tête. Ensuite, tiens, on va pas rester dans le même domaine, mais tu sais, ceux qui utilisent le siège arrière pour faire des bécotages sur le bord d'un grand canyon. C'est un système ici pour se rappeler de ne pas oublier son enfant dans le siège arrière. Pendant que tu fais du bécotage. Pendant que tu fais du bécotage, ça pourrait arriver, ceux qui sont bien, bien flexibles. Donc, ça a été créé, c'est que ça, c'est déjà arrivé. Ben là, il y a eu des nouvelles cet été d'enfants qui ont été... c'est-tu des animaux de compagnie ou des enfants qui ont été tués ou laissés presque morts dans une voiture? Les deux, il y en a un que c'est juste un oubli total. Ouais. Ah, je me souviens, ouais. Tout le monde parlait contre le père, puis les gens défendaient le père, comme de quoi que ça arrive, un oubli, ouais. Donc, chaque été, on lit des histoires tragiques sur des enfants qui meurent de la chaleur l'été. Que ce soit avec leurs parents, leur gardien ou peu importe, dans le siège arrière, selon la compagnie Rearview Safety, 29 enfants sont morts de chaleur véhiculaire, si on veut, en 2016. Même avec la petite craque dans la fenêtre, les températures à l'intérieur d'une voiture peuvent monter jusqu'à 125 degrés Fahrenheit en quelques minutes. Et la mort arrive lorsque la température du corps se rend à 113 degrés Fahrenheit. En degrés Celsius, est-ce que je suis capable de faire ça? Fahrenheit Celsius, 113 étant 45 degrés, alors que l'autre c'était quoi, 125 degrés, ce qui monte à 51 degrés Celsius. Voilà. J'étais donc en train de dire, où étais-je, ici? Attends, c'est donc bien compliqué, c'est des onglets. Le Congrès a déjà agi un petit peu pour essayer de combattre ce problème-là. Le Helping Overcome Trauma for Children Alone in Rear Seats Act. Ça, c'est le genre d'acronyme qu'on a trouvé après avoir trouvé le nom. Le contraire, on a trouvé le nom après avoir trouvé l'acronyme parce que ça s'appelle Hot Cars Act. Et le Hot Cars, ça veut dire Helping Overcome Trauma for Children Alone. Oh my God! C'est pas pareil. Aider à surmonter le traumatisme des enfants laissés seuls sur un siège arrière. Ça fonctionne avec Hot Cars. Mais oui, mais c'est sûr. Pour vrai, la personne qui a pensé à ça, ça a dû y prendre la journée. Non, mais c'est vrai. C'est bipartisan, c'est à la Chambre des... non, c'est à la Chambre... ouais, c'est au Congrès américain. Pas besoin d'attendre pour que ça passe, cet acte-là, avant, d'ajouter ce reminder, ce rappel à votre véhicule. C'est le Brilliant Backseat Reminder System de la compagnie Rearview Safety, qui est un ensemble, un kit complet qui envoie une alerte, un son, quand tu éteins ta voiture. Si t'avais ouvert la porte dans l'arrière de ta voiture pendant au moins 3 secondes avant de commencer ton voyage et que là, après ça, t'éteins ton char, ça va te faire une alarme parce que ça veut dire que t'as mis ton enfant dans le char. Parce que ça sonnera pas si t'as pas ouvert la porte, parce que ton enfant est clairement pas dans le char si t'as pas ouvert la porte avant, t'sais. Avant de débarquer dans ton char. Tu comprends ce que je veux dire? Mm-hmm. Donc, tout ça, cette alerte-là est située sur le siège arrière. Donc, si tu éteins pas l'alarme, le klaxon de la voiture va commencer à biper après 40 secondes. Ça va faire que c'est presque impossible à ignorer. Le Brilliant Backseat Reminder System coûte 100$ américains. Ça peut être acheté sur rearviewsafety.com. Voilà. Et je pense qu'on est arrivé à la fin. On a fait un multiple de 5. Moi, je fais des multiples de 5 dans cette chronique-là. C'est vrai, hein? Cette semaine, t'es en feu pour les multiples de 5. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Les listes sont sur assemblagerequis.com dans les notes de l'émission numéro 997. Autour de la pause, Gabriel Béhul qui vient de faire son entrée en studio. Salut Gabriel. Salut Mathieu. Ça va bien? Oui. Oui, t'as réussi à nous arriver parfaitement dans les temps avec une chronique préparée. Ouais, ça devrait. On va faire un petit résumé du match d'avant-hier soir. Ouais. Dans les coulisses de la lutte après la pause. Oui. À tantôt. Aujourd'hui. Vous êtes assez placé pour l'écouter. 89.1. C'est fou.ca. Assemblage qui pour toi aujourd'hui. Bonjour à son lettre qui en ce mercredi 28 septembre 2016. Elle s'appelle Tania Baudin. Et lui s'appelle Mathieu Plante. Absolument. On l'a agacé un petit peu avant la pause. On lui a parlé. On dirait que sa voix était moins grave que d'habitude. Je sais pas ce qu'il. Hey! Hey! Il y a ça comme une voix quasiment humaine. C'est vrai? Hey! Hey! Ça va bien, les enfants? Ben oui, vous autres. Et que ça fait bizarre comme ça. Hey, les enfants! Ça fait pervers un petit peu. Ouais, bref, on va se pogner à l'huître. Voici dans les coulisses de la l'huître. Voilà. C'est la fatigue peut-être qui affecte ton timbre de voix. Je sais pas. La semaine passée, t'étais vraiment très bon. Ah, ça se peut. Je sais pas si c'était. Waouh, c'est la bass qu'il y avait là-dedans. Les gens qui s'achètent des écouteurs pour la bass, hein, ils sont gâtés quand ils écoutent Gabriel Béhul. Probablement. C'est fun. Probablement. Ceux qui ont les écouteurs, là, genre avec le Bone Induction. Bone Induction. Ouais, c'est des écouteurs que tu mets pas dans tes oreilles, c'est comme sur. Des tympans. Ouais, je pense que c'est comme sur les os de What tes joues. C'est bizarre, ça, c'est pas. J'ai lu des tests qui disent que c'est pas super efficace. Mais peu importe, s'il y a de la bass, c'est important. Et voilà. Gabriel Béhul est l'homme de la bass. C'est ce qu'elles disent. C'est un grand baisseur, comme on dit. C'est ce qu'elles disent. C'est ce que ta mère disait hier. Donc, Gabriel, on parle de motivation tous les mercredis dorénavant. Ben oui. Dans cette case horaire-là. Les matchs sont toujours le lundi soir à 20h. Exact. La dernière fois qu'on s'est vu, on a parlé de tout le passé. On était rendu au présent. Donc là, on n'a rien d'autre à dire que le match. D'avant-hier soir. Oui. À 20h. Oui. Quelle sorte de match que c'était avant de présenter notre reportage sur le terrain? C'était un match showcase. Un match dans lequel on présentait justement les membres qui composent les équipes. Puisque la semaine dernière, on a formé les équipes. Donc la Ligue a maintenant 4 équipes complètes. Oui. Et puis, ben, c'est ça, on montrait. Les 4 équipes jouaient dans le fond cette semaine pour montrer qui les composait au public. Génial. Donc, tout le monde jouait et puis tu as eu la chance de parler à plusieurs personnes sur le terrain. Donc, on t'écoute. On est prêt pour le reportage. C'est lundi soir, le matin. Vous écoutez lundi soir, le matin. La chronique sur l'impro universitaire. C'est votre reporter sur le terrain favori qui est de retour. Je suis là pour vous parler des matchs de la Luître. La Ligue universitaire d'improvisation de Trois-Rivières. Et cette semaine, je vous parle du match Showcase. Ce match où on fait le dévoilement des équipes. Sans plus tarder, parlons au capitaine de chacune de ces équipes dans le segment Face à Face. Face à Face. Ah, c'est avec une excitation que j'ai de la difficulté à contenir que je suis demain le capitaine des Bleus, Vincent Rainville. Vincent, tu as formé ton équipe avec trois autres joueurs et un substitut. Qu'est-ce que... Écoute, ben oui, ça a été un camp vraiment, vraiment très fort cette année à la lutte. Donc, évidemment, les Bleus vont être encore overpowered par rapport au reste des équipes. Mais bon, c'est les Bleus. Hein. Tu dis que les Bleus seront overpowered comparé aux autres équipes. Vincent, qu'est-ce que tu veux dire par overpowered? Et comment tu penses que ça va s'articuler devant la chasse galerie bondée? Ben, je pense que avant chaque match, on va devoir demander au public d'essayer de voter une fois de temps en temps pour l'autre équipe, parce que sinon, ça va être un petit peu tough de garder un beat constant quand l'autre équipe, quand il voit qu'il gagne absolument aucune impro, tu sais. Et pour terminer, en tant que capitaine des Bleus, quelle serait ta plus grande qualité selon toi? Je pense que c'est la méfiance. C'est particulier. Ton regard ne se transmet pas par la radio, mais il transpire la méfiance, en effet. Bon match et bonne saison, Vincent. Merci, toi aussi. Face à face. Comme je vous disais plus tôt, je suis face à Alex Marchand, Alexandre Marchand, capitaine de l'équipe des Oranges. Comment décrirais-tu ton équipe? Ben mon équipe, c'est un amalgame de joueurs de tout acabit dont les qualités sont diverses et variées. C'est des personnes qui sans vraiment briser les standards vont quand même donner un spectacle de qualité acceptable. Parlant d'acceptation, Alex, comment est-ce que tu entrevois ton rôle en tant que capitaine? Est-ce que tu l'acceptes? Ben, je suis encore présentement dans le déni. C'est sûr que c'est pas quelque chose qui est facile d'accepter. On m'a dit que ça arrivait dans la plupart des familles canadiennes. Il y avait au moins une personne qui devenait capitaine de temps en temps. Fait que c'est sûr, ça a été une nouvelle choc. On est encore un peu en traitement. Fait qu'on essaye de dealer avec ça, là. La patience semble être une de tes grandes forces. Pourrais-tu me nommer ta plus grande qualité en tant que capitaine des Oranges? Ma plus grande qualité, c'est ma transparence, je crois. Par transparence, j'entends qu'on me voit pas. Fait que je suis quelqu'un qui va être quand même assez absent. Donc, par mon absence, moi, je brille par mon absence, je crois. Fait que c'est une qualité que je travaille beaucoup. Fait que vous allez remarquer ça pendant la saison. Justement, tu dois t'en aller. Donc, bonne saison et puis bon match. Oui, bon automne à vous aussi. Face à face. Le capitaine des Verts est tout sourire devant moi. Je suis devant Marc Lachance, le capitaine de cette année. Marc, tu as composé une équipe de Verts. Comment la décrirais-tu? Je la décrirais de chimique. J'ai tout misé sur la chimie de mon équipe, sur une équipe qui est énergique, un peu fofolle et niaiseuse, mais qui va savoir vouloir tester aussi à travers de ça. Donc, éclatée, bouillonnante, poisonneuse un peu. Donc, on a du nucléaire là-dedans. Marc, tu as parlé de poison. Certains joueurs ont des styles de jeu poison. Comment décrirais-tu ton style de jeu? En fait, je pense que je suis un joueur qui aime beaucoup tester, d'où le pourquoi j'aime avoir mon équipe qui fasse pareil. Si j'avais à me décrire comme en un seul mot, ça serait décotidienneur. C'est quelque chose que j'aime faire dans la vie, enlever un petit peu les gens de leur quotidien, donc que ça soit par la surprise, le rire, quelque chose d'un peu absurde, ou encore quelque chose d'un peu plus sérieux, de se rendre compte qu'on fait des choses tout à fait niaiseuses et sans aucun sens, et parfois on est fâché pour rien, fait que je pense que des fois c'est le fun de le rappeler au public, qu'on est des petits humains. D'accord, et je vois que répondre de façon concise n'est pas nécessairement ta première qualité. Que dirais-tu à propos de ta première qualité en bas de 3 minutes? Je vais m'abstenir. C'est bien. Pour le bien de tout le monde, Marc s'abstient. Alors, bonne journée, Marc. Bonne journée. Face à face. J'essayais de rejoindre le capitaine des Rouges et il n'était pas disponible pour une entrevue. Par contre, le connaissant bien, je peux vous dire ceci sur son année. Il s'attend une année comique, remplie d'énergie, avec beaucoup de fou rire, et son équipe est montée en conséquence. Pour ce qui est de sa plus grande qualité, il dirait ses index. Ils sont très agiles. Maintenant, il aimerait vous souhaiter la meilleure des années. Place au match. Ah, Tania, elle a embarqué dessus. Wow. Mais oui. Wow. J'ai encore une fois crié Pokémon. Lancé compte. Ouais, c'est quoi? Lancé compte, Snap, il bourdonne dans RBO, ouais, c'est ça? Ouais, c'est exact. Donc, on vient d'entendre le reportage sur le terrain de notre collègue Gabriel Boutantrain-Houd, oui, qui a parlé au capitaine, donc ouais, de ouais, toi. Ouais. J'ai entendu qu'il a parlé de toi, Gabriel Béo, ouais, de ta saison à venir. Tu connais ça là. Donc. Ben, un petit lien de parenté, là. Ouais, ouais, ouais. Notre ouais, famille, quand même, laisse transparaître quelque exactement, chose. Exactement. Donc, non, c'est ça. On est bien content des équipes qui ont été formées cette année, Mathieu. Des équipes assez fortes, je dirais qu'il y a beaucoup. Il y a moins de recrues l'année passée. L'année passée, c'est une année charnière oui, où beaucoup de vétérans étaient partis. Mm-hmm. Donc, cette année, on avait un petit peu moins de place pour les recrues. Et les vétérans de l'année passée qui sont rendus maintenant des pros sont restés. Donc, il n'y a pas tant de nouveaux membres. Non, en effet. Mais c'est le fun, pareil, à voir. Oui, ben, oui, on a droit à une ligue cette année, là, je pense que. En tout cas, moi, dans mon parcours, je sais qu'à ma première année, avec les Rouges, c'était quand même une équipe assez forte, ouais, qui était capitainée par Philippe Grenier dans le temps. Mais ouais, je pense que cette année, là, c'est pas mal la ligue la plus puissante que j'ai vue depuis que je joue. Wow! C'est la meilleure des trois années que je joue. J'ai pas de même. Parlons des équipes, étant donné qu'on n'a jamais encore parlé de ces équipes-là. Allons-y. Donc, chez les Oranges, dont le capitaine est Alexandre Marchand, celui dont sa force est non pas la transpiration, mais la transparence. Oui, oui. Au début du mot, j'étais pas sûr. Exactement. Lui, vétéran maintenant, qui a commencé sub, qui est devenu joueur régulier, ouais, qui est devenu ouais, capitaine. Wow. Le retour de Jocelyn Garneau, un ancien de la lutte qui est maintenant dans la Lime. Oui, ça va brûler, ça. C'est clair. Ça, c'est un gars qui punch puis qui punch en maudit. Ah ouais, c'est un très fort. On a deux recrues dans cette équipe-là. Oui, est-ce oui, que c'est oui, l'équipe qui a le plus de recrues ou égale avec d'autres? Je pense que c'est égal. Ouais. Donc, Maximilien Théberge et Stéphanie Bélil. Oui. On va en apprendre plus à leur sujet à travers les semaines. Oui, mais non, ils ont du potentiel. Ouais. Et puis, substitut Marc-André Marion Flamand. Oui. Vétéran. Ouais. Qui est maintenant aussi membre fondateur de la Lille. Oui, exact. Un petit peu moins de temps quand même pour l'impro, mais ça implique dans tout autant de ligues. Oui, exact. Ouais. Dans les Rouges, ton équipe, à toi. Allons-y. Gabriel Béhout, bien sûr. Encore une fois, un retour de vétéran de la lutte qui nous avait quitté il y a quelques années et ouais, qui est aussi dans la Lime par moment. Oui. Il l'a fait cette année. Pas cette année. Donc, Marc-André Fortin. Oui, oh, exact. Retour. Le barbu Marc. Oui, c'est ça. Donc, connu sous le nom de Marc Comteur. Mm-hmm. Non, mais ouais, je suis vraiment content d'avoir ça sur l'équipe. Là, avec les autres joueurs, ça devrait développer une propre chimie. Ouais. Avec, justement, pour semer la confusion, j'ai été chercher un Alex Marchand. C'est vrai, une recrue qui porte le même nom que le capitaine des Oranges, mais voilà. Sans le Andre. Ouais, voilà. C'est juste Alex, et c'est aussi le président de l'Age de Cutere. Ouais. Fait que, De l'Age de Cutere. Voilà. C'est l'Age de Cutere. Prononce comme faux. L'Age de Cutere. Je connais pas ton français. On a aussi, tant qu'à parler de recrue, Karine Perron. Oui, ça c'est notre substitut à un potentiel, ma foi, incroyable. Et puis j'ai été chercher aussi une ancienne verte. Oui, une ancienne verte. Une réfugiée politique. Une fille qui me faisait vraiment beaucoup rire dans les autres équipes. Ben oui. Donc maintenant elle est dans la mienne. Hey, Magali Brousseau-Arquin. Tout le monde l'adore celle-là, je pense. Voilà, donc ouais. Elle nous a manqué pendant les fois où elle était en stage les années passées. Voilà. Dans les Blues. Oui. Capitaine Vincent Rainville. Le fatiguant. Le gars des jeux de mots, fait qu'on s'entend très bien. C'est ça. Donc, parmi les vétérans, il y en a trois. Ouais. Donc, on a Alexandre Laramie-Zouiki, dit l'ours. Oui, dit ça, c'est l'ancien capitaine des Oranges. Donc, ouais. On a comme deux potentiels capitaines. Ben, lui a cédé sa place pour laisser la place aux autres un peu. Là. C'est ça. Tellement noble. Ça aurait pu être encore capitaine. Un peu chevalier. Ainsi qu'Alexandrine Puchessir, la chanteuse comédie musicale. Oui. Et comme substitut, Jeannie Gagnon-Pellerin, quand même, qui s'est démarqué pas mal l'année passée. Oui, c'est clair. Et la recrue, il y en a une seule dans cette équipe-là. Un seul, c'est Xavier McLeish. Oui, un nouvel arrivé. Donc, ça devrait être intéressant. Assez de goût corsé et fruité. Oui. C'est pas un nouvel arrivage, on dirait que tu parlais de vin. Ah, hein, mais avec un nom comme ça, on sait jamais. McLeish. C'est ça. C'est de la lignée des McLeish. Et dans les verts, capitaine Marc Lachance, monsieur Joke de Pet devant public lors du match d'impro de rue. Voilà. Ouais. Mais là, il s'est calmé, on l'a vu en entrevue. Plus soft, plus ouais, il était tranquille, très tranquille. Tranquille, comment? Qui a ramené trois vétérans de l'année passée, donc c'est eux qui en ont le plus, tiens. Ouais, exact. Francis Dugré-Lampron. Oui. Silando Riecote. Voilà. Et Jonathan Picard. Ouais, ça devrait être une équipe qui comme Marc l'a dit, là, va développer une chimie assez rapidement. Parce que si je ne m'abuse, ils sont tous pas mal amis dans la vraie vie. Ouais. En dehors de l'improvisoire. C'est vrai. Donc, Jonathan et Céline étaient orange. Oui. Marc Lachance était l'année passée déjà vert. Non, il était orange. Il était orange et il s'est battu avec Alexandre Marchand pour avoir le orange, il me semble. Ouais, mais Francis était vert. Francis était vert. Vraiment. En tout cas. Bref, ils se connaissent de l'impro. Voilà. Et leur substitut est une recrue qui jouait déjà dans d'autres ligues d'impro. Oui. C'est Samuel Fortin, enfin, a réussi à faire l'équipe. Oui, exact. Félicitations. Oui, on met d'applaudissements. Ah oui, oui. T'es trop paresseux pour enlever ton autre pain du café pour applaudir. C'est bon du café. C'est bon du café, je veux pas le lâcher. Hey Mathieu, qui joue la semaine prochaine? Oui, en effet. Très bonne question. Qui joue la semaine prochaine? J'ai ça stock, moi, cette affaire-là. Au mois d'octobre, on va être le 31. Et ce sera un match... 31? Calvaire, on a sauté le mois d'octobre au complet. Excuse-moi, non, c'est ça, on est en septembre. Prochain match, 3 octobre. Rouge contre bleu. Rouge contre bleu. Oui. Hey, j'ai hâte. Wow. Ça a l'air vrai parce que tu vas jouer. Ben oui. Tu vas jouer. Contre l'équipe de Vincent Rainville dont on vient de parler. Ça, j'ai moins hâte. Tout à fait. Le mois d'octobre est quand même chargé, je te dirais. On a deux matchs spéciaux. On a vraiment saupoudré beaucoup de matchs spéciaux. On en a parlé un petit peu la semaine passée. Mais donc, on a des matchs réguliers, les 3, 17 et 31. Entre ça, on a un match spécial le 13. Là, ça va être la semaine de relâche, donc pas de match le 10. Non, le 13, c'est pas la semaine de relâche. Mais il n'y a pas de match le 10. C'est l'Action de grâce aussi. Action de grâce. Excuse-moi, je suis tellement menteur. Mathieu. Donc, le 3 rouge-bleu, 10 relâche de l'Action de grâce. C'est une fête religieuse, je me rappelle jamais. L'Action de grâce? Ouais. Je sens que ouais. C'est toutes des fêtes religieuses dans la vie, non? L'Action de grâce, là, c'est. On remercie les païens, tout ça, la fin des On remercie pas Dieu, là. On remercie pour tout ce qui nous a été donné, mettons. C'est pas l'affaire des moissons. La fête. C'est pas les A, c'est. 13. J'ai googlé la chose. Google-nous ça pendant qu'on parle du calendrier du mois d'octobre. Donc, il va y avoir un match spécial le 13 pour compenser pour le match perdu du lundi. Ensuite, 17 vert orange. Le 24, on saute encore. Et là, c'est la semaine de relâche, non? Oui. Bon. Donc, Attends, j'ai pas fini. Donc, le 27, ça va être un match spécial le jeudi. Et on a un match normal du lundi, le 31 vert contre rouge. Tu peux y aller, Tony. OK. Donc, en théorie, tout le monde a raison. Hey! Donc, c'est en partie religieux. Ouais. Une attitude de reconnaissance envers Dieu. Exactement. Ah! Ah! Ah! C'est l'homme qui est comblé de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans le Christ qui reconnaît de quel amour il est aimé de Dieu et lui l'en remercie. Et il veut arrêter de boire aussi. Voilà. Donc c'est aussi des AA. Peut-être. Parce qu'on s'entend que les AA, c'est 12 étapes qui mènent vers le pardon de Dieu. Moi, Noah, à l'Action de grâce, j'écoute tous mes vieux CD de la chicane, back à back. Parfait, oui, c'est ça. C'est ma façon de remercier Dieu. Back à back. Ouais. Voilà. Bref, c'est quoi ta fête religieuse préférée? Religieuse? Ouais. My God. La Toussaint. Non, la Toussaint, non, oui, OK. Je l'ignore. Mais je disais que tout le monde avait raison. Ici, là, par exemple, c'est pour célébrer les récoltes et rendre grâce des bonheurs reçus pendant l'année. Grâce à Dieu. Voilà. Mais tu fais pas de la récolte grâce Dieu à Dieu. Dieu crée tout, Tania. Dieu crée tout. Ouais. Crée-moi. Voilà. Fait longtemps que j'ai pas été. Donc, ta fête religieuse, Tania, préférée? Ma fête religieuse préférée? Le dimanche des rameaux, moi. Hey, j'avais dit dans ma maison, je vais dire Noël simplement pour l'aspect familial de la chose. Moi, je veux dire Pâques, le chocolat. Hein? Bon, on s'entraîne. Ben oui. Monsieur, un homme très religieux. Très religieux, le chocolat. Hey, hier, on parlait de chocolat plein, chocolat vide. C'est vrai. Clairement, chocolat plein est meilleur, là. Ben oui. C'est décevant quand t'arrives, tu mords dans un lapin, tu penses plein, finalement, il est vide. Il est mou. T'es triste, fait que tu fais comme Dieu, un jour, je t'aurai. Moi, le Mathieu, ça m'est déjà arrivé. Mathieu, tu peux pas dire ça à Dieu. Parce que automatiquement, si Dieu sait tout, il va te revoir avant. C'est pas ma mère. C'est pas ma mère. Dieu, c'est comme ta mère? Non. T'allais dire, Gab? Mais moi, j'ai déjà vécu une déception immense en parlant de chocolat. Quand, avec un ami, on est. Ben, attends, là, j'y arrive. Mais ça a l'air sexuel à date. Non, ouais, pas du tout. Non, avec un ami, non. Attends. My God. My God. Hey, n'utilise pas le nom de Dieu en vain. Mon ami dit, hey, je vais aller acheter des collations. Là. Donc, moi. Des collations. Rien de plus santé. Non, mais c'est ça. Là, je suis tout content. Fait que, tu sais, il sort avec un sac rempli de friandises, de dépanneur, okay. Genre un sac de Doritos. Du Dr. Pepper, Mountain Dew. Tu sais, vraiment. Là, il dit, en plus, j'ai acheté du chocolat. Fait que là, ta voix, je saute comme si c'était le 24 au soir. Ouais, c'est clair. Il sort deux Cherry Blossom. Non! Mais j'adore les Cherry Blossom! C'est dégueulasse! C'est vraiment pas bon! Mais c'est parmi mes prefs, mais c'est... faut que tu prennes Mathieu, sur ton... on dit, j'ai acheté du chocolat, moi je m'attends à quelque chose de bon. Tu t'attends pas à du Cherry Blossom? Mais, une bueno, quelque chose. Il y a des noix dedans. C'est dégueulasse. C'est vraiment pas bon. Mais je comprends c'est pas. Dégueulasse. Mais, avec une cerise au marasquin tout molle là, en plein milieu. C'est comme, OK, vous autres, je vous gâche que vous prenez pas vos œufs miroirs. Moi, je prends mes yeux miroirs parce que j'aime ça avoir le mou. Yeah. Non, non, il n'y a rien de plus dégoûtant dans un œuf que le genre de... ce qui dégouline. Le genre de crotte de yeux flottante. Ah, hey. Non, mais la meilleure affaire pour battre le Cherry Blossom, il y a une barre n'importe avec barre. De minuscules petits Cherry Blossom, mais c'est pas la marque Cherry Blossom, genre. Mais t'en as plusieurs dedans, puis là, tu pop ça, ping-plong. Cherum Blossy. C'est un bon nom de band. Cherum Blossy. Cherum Blossy. Tu dis? Je sais pas, c'est une blague? Non, ça existe pas vrai, mais ça fait longtemps que j'ai pas vu ça. Moi j'adore les. C'est une qui est pas tellement populaire, là. Il y a la marque soit Three Musketeers. Ah, j'adore ça! Ou des Bounty. Ça, c'est. Bounty. Noix de coco. Tu me sors avec ça du Depp, là. Moi, je saute, là. Je viens fou. Un Cherry Blossom, je t'insulte goulûment pendant. 4-5 minutes, je trouve ça dégueulasse. Mais j'avoue que tu peux déterminer quelles barres de chocolat sont les moins populaires en regardant la rangée du bas parce que. La poussière que tu dessus, d'ailleurs. Remarquez que les Three Musketeers et les Cherry Blossoms sont toujours dans sur le bas du présentoir. Ouais. Et c'est sûrement les mêmes depuis à peu près 2 ans. Ouais. Mais ça se conserve longtemps. Une chance. Fun, parce que moi j'aime ça, manger les ça. Les Cherry Blossoms aussi, ça a l'air. Faut que je me penche pis tout, fait que ça me fait comme un effort sportif. Après c'est ça, un effort sportif. Ma conscience est claire. Alors, du Canada, Mathieu, au Paralympique. Il y a un problème du bas du dos. C'est quoi que le Paralympique a aujourd'hui, toi? Ça me fait rire. Pas rire de eux, mais ça me fait non, rire de rapporter. Là, on se lance. Ça me fait rire de rapporter tout à ça. Changeons de sujet. C'est pour leur donner de l'exposure. C'est pour qu'ils se sentent encore plus intégrés. Bon. Merci, Gab Méhoud. Hey, ça me fait plaisir. Je te souhaite tous les Cherry Blossom que tu veux. Ouais, laisse faire. Peut-être que si tu gagnes la coupe, ce sera une coupe Blossom. Une coupe de Three Musketeers. Oui! Ah, ça devrait être le prix pour l'équipe des Rouges au parti de fin d'année. Bien sûr. Les Cherry Blossom, c'est rouge dedans, la cerise. L'arc. Bref, merci et on te retrouve la semaine prochaine. Ça me fait plaisir. Les mercredis à 8h30. Oui, salut Tania, salut Mathieu. Bye! Bye. On se retrouve tantôt pour que je t'installe le logiciel de son. toujours à Sondage Rocky, donc dans une dernière demi-heure, dans quelques minutes après la pause, on va avoir ta chronique à toi, Tania is gonna entertain ya. Ça s'en vient. Donc restez là, à Sondage Rocky. Dans deux minutes. Oui. Aujourd'hui. Vous êtes assez fait, 89.1. Pour plus d'informations sur la programmation, visitez cfou.ca. 89.1. Assemblage qui pour toi aujourd'hui. Vous êtes à l'Assemblage Rocky, toujours en ce mercredi matin, 28 septembre 2016, Tania Baudin. Avec Mathieu Plante. Donc, et aussi deux messieurs. Oui, mais ils peuvent revenir. Nous, on est vraiment pas gênés. Non, exactement. Faire venir, messieurs. On est comme, on aime ça faire de la radio devant le public, contrairement à d'autres. C'est bon, il y en a qui ferment la porte, il y en a qui ouvrent la porte. Nous, on aime ça animer pour avoir un contact avec le public. C'est ce qu'on encourage, c'est fou. Donc, voilà. Dans quelques minutes, on avait dit que ce serait Tania is gonna entertain ya. Mais avant ça, on écoute une pièce de la bronze. Oui, ça va être Manger nos cœurs, qui est une nouvelle pièce du palmarès. Tout de suite, Assemblage Rocky. Mangez nos cœurs, mangez nos cœurs, ils repousseront à l'infini. Prenez tout ce que je suis et ensemble on pourrait vivre. Je suis et ensemble on peut. La bronzée, mangez nos cœurs, featuring Hologramme. C'est bien ça, Hologramme? Oui, c'est bien ça, Hologramme. Hologramme à Assemblage requis. Maintenant, elle n'est pas un hologramme, elle n'est pas un oasis devant nous. Ben non, parce qu'elle est réelle, elle est vraie. On peut s'abreuver directement dans... De moi? D'elle. Voici Tania is gonna entertain ya. C'était une petite Tania qui voulait être pro des médias. Fait qu'elle est allée à l'école, et puis maintenant à l'école, c'est Tania! And she's gonna entertain! T'as encore failli chanter par-dessus l'intro. Je sais! Ouais, c'est trop tard. Je me lâche lousse. C'est ça. Maintenant, tu connais les paroles après un an et quelques. C'est vrai, exactement. Donc, aujourd'hui, Tania, on parle de plein de choses, j'imagine, intéressantes. Oui, c'est assez intéressantes. Bien, vous savez, c'est arrivé à quelques reprises depuis que j'anime avec Mathieu, que dans ma chronique Tania is gonna entertain, je vous présente des femmes qui sont inspirantes. Bien sûr. Mais je l'avais jamais vraiment fait avec des hommes qui sont très, très inspirants aussi. Ouais, ça faisait un petit peu anti... Sexiste, mettons. Anti... On dit-tu anti-féministe, non? Bon, on va se le dire. Ou anti-masculin. C'est ça. Mais sachez que c'est pas le cas. J'aime les hommes et j'aime ce qu'ils disent parfois. Calme-toi, là. Et... Non, mais... c'est jamais correct. Ce que je veux dire, c'est qu'il y en a qui sont très, très inspirants aussi, bien évidemment. Donc, aujourd'hui, j'ai décidé de vous faire découvrir deux de ceux que j'ai beaucoup découvert cette semaine. Je sais pas pourquoi. Fouillez-moi pourquoi. J'ai eu une obsession avec eux cette semaine, genre obsession compulsive, ben, de chercher tout ce qui se passait par rapport à ces deux messieurs-là et tout ce qu'ils faisaient aussi. Alors, un de ces deux messieurs est le docteur Idriss Aberkane. Mathieu, est-ce que tu sais qui est Idriss Aberkane? Tu m'en as parlé un petit peu d'Idriss Aberkane. Oui, je sais, ça faisait partie de mon obsession. C'est ça. Et vu qu'on est souvent ensemble, ça fait partie de ce que je devais divulguer par rapport à mon obsession et cette semaine. Je suis tellement un bon co-animateur que je suis tellement au courant, non, j'avoue que je connais pas assez ça. Bien, Idriss Aberkane, c'est l'homme qu'on va entendre dans quelques instants, qui a été vu plus de 45 millions de fois sur Facebook par rapport à son vidéo qui a été fait sur l'économie de la connaissance. Vous allez voir, je pense pas que je vais vous faire écouter les 8 minutes complètes de cette vidéo-là, mais qui est Idriss Aberkane? C'est cet homme-là. Ici. Non. Non. Idriss Aberkane, les jeux changent le monde. Non, c'est pas celle-là. Ah, c'est l'autre. Je te parle de l'autre, celui qui s'appelle... Pourquoi faire de l'économie de la connaissance? Ouais. Pour une raison très simple, qui est que, comme la connerie, la connaissance est infinie. Et ça, ça change tout quand vous y réfléchissez bien, parce que les matières premières ne sont pas infinies. Mais la connaissance est infinie. Si nous basons notre croissance économique sur les matières premières, eh bien, il y a une contradiction mathématique inévitable entre croissance infinie et matière première finie. Mais si nous basons notre croissance économique sur la connaissance, eh bien il n'y a plus de contradiction entre croissance et croissance infinie et connaissance qui est infinie aussi. L'économie de la connaissance est très particulière en ce sens qu'elle est régie par des lois différentes de l'économie des matières premières. Et ces règles sont très simples. Il y en a trois, deux bonnes nouvelles et une mauvaise nouvelle. La première règle, c'est que les échanges sont à somme positive. Qu'est-ce que ça veut dire ? Si je vous donne 20 euros, ils ne sont plus à moi. Mais si je vous donne de la connaissance, elle est encore à moi. Là, je vous donne de la connaissance, a priori quand je vais sortir de cette pièce, je serai pas plus bête qu'en y rentrant. Alors que si je vous donnais 20 euros à chacun, je serais moins riche. Donc, quand on partage un bien matériel, on le divise. Quand on partage un bien immatériel, on le multiplie. Ah, wow. La deuxième règle de l'économie de la connaissance, c'est très bon. Ne sont pas c'est un peu ça, c'est où je veux en venir. Vous allez peut-être mieux comprendre, mais Idriss Aberkane a fait partie de mon obsession de cette semaine. Et quand il dit que le bien mental, tout ce qui est de la connaissance se multiplie, je me sens vraiment très intelligente après avoir écouté comme 12 de ses conférences. Mais j'avoue que je suis tellement visuel qu'il faudrait que je l'écoute plusieurs fois. Quoi? Oui, bien, je vais t'avouer que j'ai écouté sa conférence, le premier tiers d'une de ses conférences deux fois jusqu'à présent. Ouais. Et déjà, en partant, on dirait que je retiens plus de choses que ce qu'il a été dit. C'est tout le temps comme ça, parce que c'est beaucoup à absorber en même temps. Il dit oui. Beaucoup de mots. Tu sais, le gars, il connaît son sujet, ouais, mais ouais, il faut l'absorber à son propre rythme. Tout à fait. Qui est Idriss Aberkan? Bien, c'est très, très simple. Il est né en 1986 et c'est un professeur qui est chargé de cours à la centrale Supélec, donc l'ancien interne du département de psychologie expérimentale de l'Université de Cambridge. C'est un chercheur à Polytechnique, un chercheur affilié à Stanford, là où il a étudié, un professeur d'économie de la connaissance dans le MBA de la Mazars University et un ambassadeur du campus des systèmes complexes UniTwin et UNESCO. Et il flippe des boulettes chez McDonald's des fois. Ouais, puis il flippe, ouais. Faut juste pour le fun. Il est quand même très, très drôle. Là. Si vous écoutez, si vous écoutez ses conférences, il fait des jokes. C'est quand même assez intellect, c'est mais ça. C'est quand même très, très drôle. Des blagues pour un certain public. Exactement. Son essai, une des parties que vous venez d'entendre, qui est l'économie de la connaissance, a été traduit en chinois, en anglais, en coréen, et il a été invité à donner plus de 150 conférences sur 4 continents dans les 2 dernières années. Il a accumulé beaucoup de air miles. Ouais, juste un peu. Je sais pas s'il est marié, en fait, moi, avant ce CV-là. C'est pas ça que tu t'es renseigné. Il me semble que tu disais que t'étais obsédé. Tu t'es pas renseigné sur le fait qu'il est marié ou pas. Non, j'ai eu une obsession sur son intelligence. Okay. Je voulais devenir aussi. T'es une sapiosexuelle, faut dire. Qu'est-ce que ça veut dire? Ceux qui sont attirés et excités par la connaissance et l'intelligence. Honnêtement, je pense que oui. Plus j'y pense, plus je me dis que c'est ça mon problème. Mais bon, vous allez savoir un petit peu plus tard. Je vais vous dire qu'est-ce que c'est exactement l'économie du savoir. Mais déjà à la base, je voulais vous poser la question. Mathieu, est-ce que tu sais qu'est-ce que la Renaissance? Dans le domaine de l'art? De la peinture? Mettons, du côté de l'Europe, quelle a été la Renaissance? Je pourrais pas te la décrire, non. OK, donc il y a eu 3 étapes. Il y a eu la réinvention de l'imprimante. Okay. De l'imprimerie, en fait, ouais. Pas de l'imprimante directe, mais de l'imprimerie. Il y a eu la médecine et il y a aussi eu la redécouverte des Amériques. Okay. Donc ça, c'est ce qui s'est passé du côté de l'Europe vers la Renaissance. Mais est-ce que tu sais qu'en ce moment, on pourrait se retrouver en Renaissance? Une nouvelle Renaissance. Une nouvelle Renaissance. Elle porte un autre nom? Elle s'appelle la nouvelle Renaissance 2.0. C'est ça. iPhone 7, je veux dire, on se casse pas la tête. Exactement. Puis, en fait, ça découle un peu de Idriss Aberkan, cette fameuse nouvelle Renaissance-là. Du moins, c'est lui qui en fait les conférences. C'est lui qui transporte le message de cette nouvelle Renaissance-là. Et je trouve ça quand même assez important de voir quelle est cette fameuse nouvelle Renaissance. Donc, tout à l'heure, on avait la réinvention de l'imprimerie. Qu'est-ce qu'elle serait aujourd'hui? Qu'est-ce qu'elle serait la nouvelle le numérique? L'Internet, mettons, le numérique. Ouais. Ouais, OK. Du côté de la médecine, dans les premières renaissances, qu'est-ce qu'on a découvert du côté de la médecine? C'était que le cœur avait 4 artères au lieu de 3. Ça faisait déjà des années qu'on disait que le cœur avait seulement 3 artères. Les médecins disaient ça. Par contre, les bouchers savaient très bien qu'il y en avait 4. Et lorsqu'ils ont décidé de se joindre et d'avoir une discussion, bien, ils se sont entendus sur le fait qu'il y en avait 4. Qu'est-ce qu'elle serait aujourd'hui? Je vais dire encore le numérique par rapport à la médecine à distance. Presque! Hey, ça aurait été bon, mais la neuroscience. La neuroscience, le cerveau. Exactement. Et qu'est-ce que serait la redécouverte des Amériques aujourd'hui? Ce serait pas de bâtir des murs entre le Mexique et les États-Unis, ça c'est sûr. Merci, Donald Trump. C'est ça. je sais pas, la migration... Non. L'espace. J'ai quand même eu 2/3. On a une connaissance de l'espace et une découverte de l'espace qui est comme celle de la redécouverte des Amériques dans le temps. Mmh. Parce qu'on sait, il y avait quand même déjà du monde ici en Amérique. Ouais. Mais il y a eu une redécouverte de ça. On a redécouvert tout ce qui se passait ici. Et c'est comme ça qu'on a un petit peu commencé à parler de nous. C'est la même chose pour l'espace. Au moins, on va pas voler les terres des gens qui sont dans l'espace. Au moins, parce qu'il n'y en a pas encore. Ben, on ne sait pas. Tu sais pas. C'est vrai, tu vas peut-être arriver sur une planète ou une galaxie, puis il va déjà y avoir des petits bonhommes. Il va déjà avoir une planète poutine. Les gens, ils vont faire pousser du blé ou du pot, sûrement. Ils sont plus avancés que nous autres encore. C'est déjà légal là-bas. Ah, exact. Ouais. Mais cette fameuse nouvelle Renaissance-là, elle est basée sur 3 principes. Et ces 3 principes-là sont le sujet numéro 1 des conférences d'Idriss Aberkan, c'est-à-dire l'économie de la connaissance, le biomimétisme, mais là... Imiter les animaux pour faire de nouvelles technologies. On en parle tout le temps, Mathieu. Imiter la nature, Ouais. Écouter la nature, puis regarder la nature. Si tu veux, on en discutera un peu. Je pensais pas en discuter ce matin, mais quand même. Et... J'ai juste prouvé que j'étais capable de sortir des bonnes réponses. Et la blue economy. Ah! pas la green economy, non. La blue economy. Blue. Ouais, la blue economy. Okay. Donc la connaissance, comme le dit Idriss Aberkane dans l'extrait que je vous ai fait écouter, il dit que la connaissance c'est une ressource infinie qui est contraire aux matières premières. Si on prend un exemple, par exemple, la Corée du Sud, ça illustre vraiment bien ce propos-là parce qu'elle dispose d'aucune matière première, mais c'est la première en termes d'exportation aujourd'hui mondialement. Donc, elle exporte des affaires de façon exceptionnelle, mais elle n'a absolument aucune matière première, ce qui est absolument le contraire de, par exemple, la Russie ou encore les États-Unis, mm-hmm. mettons, puis mettons le Canada. Donc, de ce côté-là, on voit que la Corée du Sud arrive quand même très bien à avoir une économie, mais qui est portée sur autre chose que celle de la matière première. C'est un peu d'où vient l'économie de la connaissance. C'est que les expressions économie du savoir, économie de la connaissance, économie de l'immatériel ou encore le capitalisme cognitif, ça désigne exactement ce que serait une nouvelle phase de l'histoire économique, ce qui est un petit peu en train de se passer petit à petit dans le monde. Qu'est-ce que sont les piliers de l'économie du savoir? Mais c'est quand même assez simple, c'est que l'économie de la connaissance ou du savoir, là, appelez-le comme vous la voulez, hein, bien, c'est une nouvelle phase, c'est un nouveau concept et ça a été promu par des organisations internationales, mais surtout, on a commencé à la connaître de façon un petit peu plus d'envergure du côté de l'Europe. Je sais pas si c'est à cause d'Idriss Aberkane qui est en Europe, puis qui, lui, est parti de là. Il est responsable de pas mal de choses à la seconde. À date, tu vois pourquoi mon obsession, c'est... Oui! Donc, on parle, entre autres, qu'il y a des rapports du Programme des Nations Unies pour le développement, les rapports et les programmes de Banque mondiale, le World Development Report, et là, ça continue, mais on se penche de plus en plus sur qu'est-ce que l'économie du savoir. Et il semble y avoir que les problématiques de définir les bases, les piliers de cette fameuse nouvelle économie a été soulevé en 1962 par Kenneth Arrow, quand lui a avancé que l'activité d'innovation, donc de la connaissance, de tout ce qu'on connaît déjà, est séparée des activités de production classique, donc par exemple les productions à la chaîne. C'est pas nécessairement la même chose, mais il y a une économie à avoir, selon lui, qui découle de là. Donc, il y a quand même une bonne connaissance de tout ce qui se passe un petit peu partout. Et aussi, la nouvelle renaissance, ce qu'il faut savoir, c'est qu'avant toute révolution, ou toute révolution, va passer par trois étapes. Et c'est un petit peu la même chose avec les découvertes que l'on va faire avec nos connaissances. C'est-à-dire qu'une révolution est toujours considérée en premier lieu comme ridicule. Par la suite, elle va être considérée comme dangereuse. Et après ça, ça va être considéré comme étant évident. Genre, la Terre est ronde, mettons. Exactement. Okay. C'est une des exemples qu'on utilise comme étant une des révolutions dans la conférence d'Idriss Aberkane. Il dit au début, c'était complètement ridicule. Mm-hmm. Par la suite, c'est devenu dangereux. Je vais tomber si je vais trop loin. Ouais. Puis aujourd'hui, c'est évident, la Terre est ronde. Pour la plupart des gens. Exactement. Ça, c'est arrivé à plusieurs reprises, selon les révolutions, selon les découvertes, tout ce qu'on a fait. Les changements climatiques. Les changements climatiques. Et il faut savoir que tout ce qui est révolutionnaire va être à la base ridicule. Ouais. Mais faut pas faire le contraire. Tout ce qui est ridicule n'est pas révolutionnaire. Ah, hey, c'est bon, okay. Ça, j'aime ça. C'est pas de moi, malheureusement, je suis désolée. C'est toujours Idriss Aberkane. Oui, exactement. Yes, oui, Aberkane. C'est ça. Et il faut savoir aussi que la connaissance, elle est collégiale. C'est-à-dire que elle va être à plusieurs. Wikipédia est une idée révolutionnaire, ouais. Mais c'est aussi une idée économique de la connaissance. Le gars qui a décidé de faire ça, il s'est dit, ça prend genre 35 ans ouais. à faire une encyclopédie. Ouais. Puis il y a juste une personne qui écrit cette encyclopédie-là. Si je décide de partir une encyclopédie sur Internet... Et que tout le monde peut l'améliorer... Et que tout le monde peut l'améliorer... Tu gagnes. Peut-être que c'est moi qui vais gagner à la fin. Si on reprend les trois étapes, ridicule parce que tout le monde disait c'est pas une source. Ensuite, dangereux parce que ça pourrait créer des fausses informations, puis tout le monde vend. Puis après ça, tout le monde dit que c'est la meilleure affaire au monde, puis c'est évident. Puis tout le monde participe, puis tout est vrai presque. Quand c'est faux, ça prend trois secondes que c'est réglé par quelqu'un de plus qui a plus de connaissances que toi. Exactement. Voilà. Et il y a maintenant, aujourd'hui, en 2016, 2015, 2016, plusieurs instituts universitaires ouais. que si tu sources Wikipédia vont accepter ta source. Parce qu'il y a une source vers la vraie source d'origine en exactement. Dessous de la page maintenant. Et que l'apprentissage envers Wikipédia est tellement plus rapide maintenant que quelqu'un qui va étudier dans une université. Ouais. Parce que tu peux avoir jusqu'à 5000 personnes qui vont fournir de l'information sur une même page Wikipédia comparé à une personne qui va écouter seulement un professeur à l'avant dans le cours. Donc, ce que je trouvais quand même intéressant, c'est que Idriss Aberkane disait « J'ai beau avoir étudié à Stanford, j'ai beau être professeur ici, professeur dans ça, professeur là. » Il dit « Si tu tapes biochimie sur Wikipédia et que tu te tapes la page au complet, tu connais plus de choses que moi. » C'est fort. C'est vraiment vrai. C'est fou. Peut-être pas la page en français, toujours. C'est pas la page en français. Si tu lis dans plusieurs langues. OK, peut-être. Il dit « Sauf que t'as la connaissance de 5000 personnes en même temps, tandis que moi, j'ai la connaissance de seulement 15 professeurs universitaires. » C'est tout à fait vrai. Donc, peut-être, est-ce que Wikipédia peut devenir une révolution? En fait, c'est complètement une révolution. Donc, j'espère que vous comprenez un petit peu mieux pourquoi Idriss Aberkane est devenu une obsession compulsive chez moi cette semaine. Mais c'est pas le seul. Et je voulais aussi parler de la ludification. Quelque chose que lui a mis aussi par application. La ludification, c'est peut-être plus connu aussi sous le terme gamification en anglais. Faire de tout un jeu, finalement. Faire de tout un jeu, ce qui est le transfert des mécanismes du jeu, des règles du jeu dans d'autres domaines. Donc, par exemple, les sites web, des situations d'apprentissage. Le fitness. Réseaux sociaux, médecine aussi utilise maintenant la ludification. Donc, c'est un objet qui est d'augmenter l'accessibilité et l'usage par des applications qui sont le fun. Mm-hmm. Parce que d'apprendre, il n'y a rien de mieux que d'apprendre dans le plaisir. Donc, si vous regardez, par exemple, je ne veux pas nommer n'importe quel jeu. Apprendre à conduire en jouant à un jeu vidéo, mettons. Oui, exactement. Ouais. Idriss Aberkane disait, c'est d'ailleurs pourquoi, quand que tu décides de devenir pilote d'avion, les simulateurs ne sont pas des vrais avions. Des jeux vidéo. C'est des jeux vidéo. Dans un cockpit construit dans un entrepôt. Exactement. Genre, même, Donc, c'est une technique de conception qui permet d'obtenir à des personnes des comportements actifs impliqués sur des tâches qu'on devrait pas nécessairement faire parce qu'on pourrait les considérer comme sans intérêt ou encore inutiles ou dangereuses à un certain point ou complètement ridicules. Mm. Mais c'est ça qui fait la beauté de cette chose-là. La beauté des activités, c'est qu'on voudrait ordinairement pas faire ça, mais à cause qu'on le fait, on peut devenir beaucoup plus intelligent et avoir une connaissance beaucoup plus développée. Donc, de ce côté-là, c'est un petit peu... Là, en passant, là, l'économie de la connaissance, c'est simplement la première partie d'une conférence, par exemple, d'Idriss Aberkane. Donc, tout s'engendre une dans l'autre. C'est bien évidemment comme une grosse roue de ce qui est la nouvelle Renaissance 2.0. Mais je vais pas vous nommer les trois sphères parce que, mettons que sa conférence dure 3h30. Et on a 2 heures. Exactement. C'est ça. Donc, c'est simplement une partie, mais c'est ce que je trouve quand même très intéressant. C'est de se dire aujourd'hui, ça vaut plus nécessaire, parce que c'est drôle, on en discutait tantôt avec Sébastien Guertin, on n'est plus nécessairement au temps où on doit se dire, il faut travailler dans les usines, il faut travailler à la chaîne, il faut créer quelque chose. Il faudrait peut-être se concentrer sur ce que l'on connaît et ce qu'on pourrait connaître. Tout à l'heure, tu parlais du biomimétisme. Mmh. C'est la deuxième partie de la conférence d'Idriss Aberkane qui se base justement sur la connaissance de la nature. Il dit, est-ce que vous connaissez quelqu'un ou du moins des gens qui ont fait brûler une bibliothèque entière? Non. À part à l'époque où il y avait des livres qui étaient bannis pour leur contenu satanique et sexuel. Exactement, t'as bien raison. Donc, pourquoi est-ce qu'on fait brûler la plus grande bibliothèque au monde? Je sais pas. La nature. Ah! Il dit, si on se concentre et si on y va de nos connaissances et si on fait, par exemple, les expériences et les études que ça prend, il dit, la nature devant nous est une des plus grandes bibliothèques mondiales. Ah oui. Il dit aussi qu'il y a plusieurs choses qui découlent de cette fameuse nature-là où on n'aurait pas nécessairement besoin de créer des choses parce qu'elles sont déjà dans la nature. Si on étudie ces choses-là, on serait capable de les reproduire, mais pas nécessairement de façon nocive. Mm-hmm. Donc, si c'est quelque chose qui vous intéresse, je vais poster sur la page Facebook d'Assemblage Requis la première partie de la conférence. Sachez qu'elle dure à peu près 1h15, 1h20, mais c'est bourré de choses tellement évidentes et de choses tellement intelligentes que vous allez simplement regarder la 2 puis la 3 après, c'est sûr et certain, je vous le garantis. J'pense YouTube que... va sûrement vous la faire jouer tout seul, pareil. C'est rendu tellement intelligent, ouais, cette affaire-là. Peut-être, ouais, peut-être aussi. Mais je pense que je vous gage une bière si vous vous rendez pas à la troisième partie de la conférence. Je paye la bière. OK, pas à tout le monde. Contactez-nous sur notre page Facebook. La première personne qui dit non, c'est vrai. Mais bon, la deuxième personne qui a capté mon attention de façon assez excessive cette semaine, et là, je vais y aller de façon assez rapide, mais c'est Elon Musk. Ben oui, le gars de Tesla. Exactement. Qui on en a parlé aussi cette semaine. Oui, je sais. Je sais, Mathieu. Tu donnes des avant-goûts. T'es comme un cobaye. T'sais, moi, je les que prends pas. Ce que j'apprends. Elle me dit, renseigne-toi, on va pouvoir en parler. Hey! Renseigne-moi, t'es la meilleure pour me renseigner. Oh, c'est si je vais le lire moi-même, ça m'intéressera pas autant que si toi tu m'en parles. Oh, c'est cute ça. T'es donc gentil. Et j'étais paresseux parce que j'écoutais le débat hier. Aussi. Donc, pour ceux qui connaissent pas nécessairement Elon Musk, eh bien, c'est le PDG et le directeur de la technologie de la société SpaceX. C'est le PDG et le directeur architecture de produits de la société Tesla Motors. Mm-hmm. Et il est aussi le président du conseil d'administration de la société SolarCity. Un petit curriculum vitae, lui. Encore un autre nobody tout le temps. Oh, c'est ça, c'est tout le temps de même. Donc, pour ceux qui ne savent pas nécessairement qu'est-ce que Tesla, je vais vous faire un petit retour assez abrégé. Mais Tesla Motors, ça a été créé en 2003 par un groupe d'ingénieurs de la Silicon Valley qui voulait, entre autres, prouver que les voitures électriques pouvaient être meilleures que les voitures à essence. Donc, avec un couple instantané, une puissance incroyable et zéro émission, les produits de Tesla seraient des voitures sans compromis. Chaque nouvelle génération deviendrait de plus en plus abordable, tout en aidant l'entreprise à accomplir sa mission, qui est d'accélérer la transition du monde vers le transport durable. Mmh. Et pour ceux qui connaissent bien Tesla, qui connaissent bien Elon Musk, eh bien, vous connaissez le Hyperloop. Le train à ultra haute vitesse. Exactement. Hyperloop, que moi, je ne connaissais pas avant de chercher Elon Musk sur Pinterest hier. Hier, pendant les palmarès. Oui, exactement. Moi, je fais plein de choses en même temps. Mais Hyperloop, exactement, c'est une société de transport qui, elle aussi, a été fondée le 12 août 2013. Donc, ça fait pas nécessairement super longtemps que ça existe. Mais le concept de ce projet industriel-là, c'est défini par Elon Musk comme une cinquième mode de transport. En plus des bateaux, des avions, des voitures et des trains, c'est comme un tube géant qui voyage à une vitesse assez exceptionnelle. Plus qu'un avion. Vous pourriez faire, entre autres, Los Angeles-San Francisco en 30 minutes. Ouais. On dit ça comme ça. Rien que de même. Hein? C'est ridicule. Ouais. C'est probablement dangereux. Peut-être. Mais dans une couple d'années, ça va être évident. Évidemment, arrête. C'est révolutionnaire. Ben oui, mais tu sais, j'imagine si les formules mathématiques ne me viendront pas, là. Mais tu sais, si tu peux faire Los Angeles jusqu'à l'autre, tu pourrais faire Montréal-Québec en quoi? Exactement. Quelques minutes après. Cinq minutes, genre. Ouais. Allô, la révolution du travail après ça, plus de trafic, là. Tu vas travailler, tu vas travailler à distance le matin, tu peux habiter en région super éloignée. C'est fou, là. Si le train est rendu là. Exact, aussi. Ça va être long. T'as bien raison. Peut-être pas dans notre vie. Il y a quelques années, je t'aurais demandé, est-ce qu'un jour on va pouvoir marcher sur Mars, tu m'aurais dit? Non. Pourquoi? Parce que c'est ridicule et dangereux, on a. Mais aujourd'hui, c'est évident. Parce que Elon Musk, hier, a décidé de faire la présentation de son plan d'attaque pour aller à la colonisation de la planète Mars, mesdames et messieurs. Pour Elon Musk, la conquête de Mars pourrait débuter dès 2018. Rien c'est de moins. C'est dans 2 ans, ça. Même c'est, pas. Ouais, c'est, ouais, c'est complètement dans 2 ans. Donc, le fondateur de SpaceX, qu'on vient tout juste de parler, a détaillé hier sa vision, son plan de colonisation de la planète Mars pendant le 67e Congrès international d'astronautique. Mm-hmm. Un petit congrès. Fancy, c'est ça. Donc, selon lui, les premiers vaisseaux de test vont être envoyés dès 2018 et les premiers vols habités sans billet de retour devraient arriver dès 2024. C'est des estimés, bien sûr, parce que SpaceX fait déjà des tests avec des fusées, puis le plupart du temps, soit il annule ou ça fonctionne exactement pas. Exactement. Il y a eu plusieurs tests qui ont été faits ou que ça n'avait pas fonctionné, entre autres entre 2001 et 2007. Je pense que chaque test qu'ils ont fait ont échoué, malheureusement. Par la suite, la NASA s'est pointée là-dedans. Ils ont décidé de donner de l'argent. Donc, je pense qu'ils ont donné comme 17 billions pour travailler sur le projet qui était SpaceX. On dit, vous allez travailler là-dessus à temps plein. Puis d'ici 2013, on va faire les tests tests et ça a fonctionné. Ils en font des tests. Exactement. Les tests sont toujours en cours, bien évidemment, mais c'est sûr qu'il y a tout le temps quelque chose à améliorer sur un vaisseau spatial. Ça prend du temps quand même. Là. Tu fais pas ça en quelques mois. Là. Non, en effet. Donc, hier, son plan, puis tout ça, ça a été fait du côté du Mexique. C'est là que se passait le congrès. C'est pour ça que ça s'appelle le plan Pitoussa. C'est mexicain. Pitoussa, exactement. Donc, oh, t'es mieux. le milliardaire, parce que disons-le, hein, il a quand même un petit peu d'argent avec tout ce qu'il a, il a quand même réaffirmé sa volonté d'envoyer ses premiers vaisseaux de test sur la planète rouge dès 2018. Et on entend entreprendre les premiers voyages en 2024, comme je le disais. Chaque navette devrait emmener environ 100 personnes sur Mars. Donc, chaque vaisseau spatial va être équipé d'un restaurant, de cabines, de jeux adaptés à l'absence de gravité et de films. Mais il faut que ça soit fun et excitant. Et c'est ce que dit Elon Musk. Il faut pas que ça soit inconfortable et ennuyeux, parce qu'après ça, du moment que les gens vont arriver sur Mars, ben, ils n'auront pas nécessairement le fun d'être là. Il faut que ça mène Netflix avant d'amener les gens. Exactement. Et ça me fait rire parce qu'entre autres, Idriss Aberkane a nommé Elon Musk dans plusieurs de ses conférences, disant « Aujourd'hui, on a de la difficulté à prendre le train parce qu'il y a beaucoup trop de gens. » Mais lorsque Elon Musk a parlé de SpaceX, il y a déjà 100 000 personnes en 48 heures qui s'étaient inscrites pour le premier vol. Ouais, mais c'est ça. Puis il y a beaucoup de gens qui sont riches dans le monde, tu sais. Quand il a annoncé sa Tesla Model S qui était super chère. Il y en avait une qui était plus chère que l'autre, il y en avait une moins chère, bref. C'est la S, si je me souviens bien. La plus chère a été commandée quand même par plusieurs personnes. Donc, il y en a des gens qui sont prêts à financer le futur dès maintenant. Tout à fait. Puis actuellement, un voyage sur Mars coûte environ 10 milliards de dollars par personne. Ouais. Mais si on veut ramener le prix du ticket individuel à, par exemple, 100 000 $ par personne, c'est un projet sur lequel Elon Musk a le but de créer une colonie sur Mars. C'est ce qu'il veut faire. Ce sont les plans jusqu'à 2018 et 2024. Donc, c'est complètement ridicule. C'est probablement vraiment très dangereux. Mais c'est probablement aussi très, très évident d'ici 2024. Tellement! C'est révolutionnant. Ça résume tout. Ça résume tout, ça résume vraiment tout. Donc, ce sont mes deux personnes inspirantes de la semaine, mes deux obsessions compulsives de la semaine. Je pense que tout temps où que j'avais vraiment rien à faire, là, par exemple, là, comme exemple, 5 minutes avant d'aller dormir, ou si, je sais pas moi, si j'étais à la salle de bain et que j'avais mon téléphone cellulaire sur moi. C'est épargne-nous les détails. Non, non, mais du moment, je cherchais sur Elon Musk ou Idriss Aberkane. Wow! Mais c'est le fun! Voilà. C'est le fun, la curiosité, j'aime ça, faut encourager ça, c'est ce qu'on fait ici à Cifou. Tout à fait, puis sachez qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de détails qui sont sortis depuis hier sur Elon Musk et SpaceX. Donc si, par exemple, je vous ai pas donné extrêmement de détails, c'est que vous pouvez très bien le retrouver un peu partout sur Internet. Mm-hmm. Je vais mettre, entre autres, quelques articles sur la page Facebook d'Assemblage Requis et sachez que vous pouvez le faire tout simplement le tour. Et entre autres, ça a été filmé, ça a été posté sur YouTube, c'était live hier, un petit peu partout sur les réseaux sociaux. Donc allez faire un tour sur YouTube si ça vous intéresse et si vous comprenez, bien évidemment, l'anglais. Sinon, bien, allez faire un tour et tapez Idriss Aberkane, lui, il parle français. Idriss avec deux S, et Aberkane avec un K, à un moment donné, puis un N. C'est ça, A-N-E. Puis un A, puis un K, puis un E, puis un A. De toute façon, je vais poster le tout sur la page Facebook. Voilà, et l'autre, c'est Elon Musk. Oui. Voilà, Tania is gonna do Tania, une autre chronique tous les jours de la semaine, lundi au jeudi, dans l'émission Assemblage Requis. Merci à toi. Merci à toi. Nous, on termine l'émission ici, juste à temps, à 10h tout à l'heure. Il y aura bien sûr l'émission Compte à rebours. L'émission sur les comptes traditionnels, ça s'en vient à 10h. Ensuite, à 13h, la nouvelle case horaire des grandes voix francophones. À 14h, ça va être de retour avec en piste avec Tania Baudin. Qu'est-ce qui s'en vient aujourd'hui? Eh bien, je vais faire un petit peu le tour de ce qui se passe sur le monde, la sphère de la course automobile. Bien évidemment, il y a eu la finale de la série Nissan Micra en fin de semaine passée. Donc, on devrait discuter de ça. On devrait aussi discuter de d'autres séries, entre autres la Formule E. On vient de parler d'électricité et un petit peu tout ce qui se passe. Donc, je pense qu'on va faire un petit peu fixation là-dessus pour la prochaine session. En piste avec Tania Baudin à partir de 14h. Ensuite, à 15h, je serai de retour pour le Mathieu Planchot. On parle bien sûr de technologie, de télévision, d'informatique, de jeux vidéo, tout ce qui est ludique et geek. Ensuite, à 17h, c'est Audiomatique, l'émission d'électronique. Et puis, finalement, à 20h, Radio Sonic avec de la musique variée. Cif.ca pour la programmation complète. AssemblageRequis.com pour les notes de l'émission, les balados diffusion. On se retrouve demain entre 6h30 et 9h30 pour une nouvelle édition. Et demain, les chroniqueurs continueront. Oui. Donc, jeudi... En fait, non, on n'a pas de chroniqueurs demain. J'ai dit ça comme ça, on en a pas demain, ça commence la semaine prochaine, les filles. Ah, c'est vrai, t'as bien raison. Voilà. Donc demain, on va faire une grosse pointe en dresse dans l'émission. On va goûter à du fast food ou de la malbouffe. Demain, 6h30, on se quitte avec une pièce de Royal Canoe. On ira peut-être pas dans l'espace avec ça, mais on va y aller à quelque part. Hein. La pièce s'appelle Somersault, quelques petites culbutes. Et bonne journée! Bonne journée! All of my sweat and all of my heart. I can't help staring at the dark where the shadows.